Pardon? Voilà, Bozik est mort de rire, c'est parfait pour commencer. Donc bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir les enfants. On commence avec le rire de Bozik. Voilà, Ah oui, et non, donc mais bienvenue t'imagines? pour C'est la faute ce de moi. C'est la 62e faute épisode de du moi. podcast. Oui, c'est ça, toujours ma faute. 62e épisode du podcast du collectionneur, donc toujours en compagnie de l'équipe de choc. Hein, L'agence de touriste. charme et de charme avant Je suis pas là. tout. De choc, de choc. À mon avis, dans l'agence touriste, Boss dit que c'est Mister T. Ah, mais c'est obligé. Pardon. C'est Bon, obligé. on est là ce soir, c'est les vacances, c'est la fête, c'est le mois d'août déjà. Il fait beau, il fait chaud, enfin pas trop. Et on va vous parler ce soir des éditions collector. Et on va essayer, voilà, de digresser autour de la notion de collector, du fait que est-ce qu'acheter une collector, c'est vraiment acheter un jeu, est-ce que ça va pas au-delà? Quand ont commencé les éditions collector, à partir de quand ça a commencé à s'énerver, et tout ce genre de choses. Gros sujet. Et Pell nous parlera de son collector favori, bien évidemment. Non. Galgun. Galgun. Non, Mais ouais, mais alors, et ça, sérieux, j'y pensais même pas. Mais je l'ai pas, hein. Oui, Tu te justifies pas. oui, bien sûr. Tu nous l'expliqueras après. Bien sûr, tu ne l'as T'inquiète pas. pas. Mais franchement, ça me fait trop rire. On a à peine cité le nom. Déjà, ah non, moi je l'ai pas. Hein. Mais non, mais c'est vrai en plus. Mais bon. Sacré Non, pélou. mais on te laissera à loisir de te défendre et Ouais. t'expliquer pourquoi tu aimes ce collector. Ne t'inquiète. Mais non. Mais j'ai le jeu, hein, mais j'ai pas le collector. Tu auras 2 heures pour ça. Oui. Et donc, en fin de podcast, c'est Buzz Dick ce coup-ci qui nous présentera Ah, un jeu. bah bon. Bon courage. On a hésité, mais bon, on va lui faire confiance. Ah, la confiance est un poil rompu, mais Non mais hey, vous êtes médisant, j'ai présenté plein de bons jeux entre-temps. mais Et oui, oui, on entre-temps. s'en souvient plus, on s'en souvient que des premiers. On se souvient que les gens de Phorezia, c'est vrai. Il Voilà, le fallait que pire, je c'est sois que c'est fort vrai. pour que vous me gardiez, hein. Ça a marché malheureusement. Voilà. Et sur le coup, on va commencer par les petites news classiques, traditionnelles, tout ça. Et notre tradition. Non. Oui. Il n'y en a pas, hein. Oui, si, si. Ah Mais merde! non. Oh Ben non. oui, Monsieur Chou. Ah ben vas-y, Ah Babel, oui, c'est je vrai, t'en prie. Donc nous tu as raison. apprenons le décès Le d'un. décès du rédacteur en chef du magazine du Feu magazine Amstrad CPC. Voilà, alors il écrivait sous le pseudo de. Alors, vraiment, les vieux s'en souviennent. Alors, Oula, alors, Bell, ça coupe, donc ouais. Ah, je vais ça vient compléter ce pas. qu'elle Je va dire. croyais que c'était moi, je disais rien. Non, Donc, c'est pas. Bell Ah, non, parlait n'hésitez pas à d'Amstrad me le dire. 100% et il parlait Ouais. d'Alien Massoumipour, alias Poum, C'est ça. voilà, qui est décédé à l'âge de 58 ans suite à une longue maladie. Je connaissais absolument pas le monsieur. Pareil, oui. Du Bah, tout. en fait, ça va paraître paradoxal, je suis censé être un peu l'expert micro du podcast, mais en fait, moi, à l'époque, tout ce qui était sur micro-ordinateur, ça m'intéressait pas vraiment, en fait. Ouais, Oui, Amstrad 100%, c'était vraiment parmi les ouais, moi pionniers en France, hein, de la presse j'ai jamais micro. acheté Amstrad 100%, j'en ai jamais lu un seul non plus. Donc je sais pas qui c'est ce monsieur, bah paix à son âme. Personnel, effectivement, ouais. Alors, moi par contre, je peux le dire, je prenais le Amstrad 100% complètement, j'étais depuis très longtemps. Déjà à ce moment-là, c'est comme ça que j'ai découvert le Player One, puisque c'est la même famille en fait. Hein. C'était la même maison d'édition qui ensuite D'accord. avait repris quelques rédacteurs de Amstrad 100% pour retravailler dans Player One, comme Wolfen, je crois, qui avait. Ah ça, je connais ça. Ouais. Et du coup, bah, Poum, c'était donc ouais, le rédacteur en chef. Et je me rappelle, et je l'ai appris en fait via le dessinateur du site à l'époque, qui s'appelait Mikaya en fait, qui avait fait donc un dessin en hommage à Monsieur Poum, quoi. Donc voilà. Et donc voilà, non, bah, je trouve ça triste parce qu'évidemment, moi je lisais ça beaucoup, je les ai tous gardés, hein, mais Amstrad, c'était Ah bah t'as vraiment. bien raison, garde-le. Faut bien Ouais, garder, c'est bien. ouais j'aimais bien, c'est là que j'ai découvert Olivier Vatine, parce qu'il publie, c'est là Sam qu'il. Player? Ouais, alors, C'est le il avait. dessinateur de Sam De Player? Sam Player, ouais, mais Ah c'est ouais, aussi qui d'accord. diffusait les extraits de Aquablue à l'époque, qui était une de ses premières bandes C'est dessinées. vrai, c'est Ouais, vrai. Ah c'était dans j'avais oublié. l'Amstrad CPC. Et. J'avais oublié Aquablue. Oh. Ouais. Et Ouais. donc voilà, non, bah, franchement, c'était vraiment chouette. Mais bon, ma paix, monsieur Ouais, bah j'aimerais bien que cette tradition elle s'arrête en fait, que chaque Ouais, semaine on n'ait pas c'est terrible, hein. à annoncer des décès, c'est pas cool. Quoi qu'on a un autre décès aussi, en fait, hein. on a le décès de la garantie des SAV des Joy-Con de chez Nintendo France. Je suis désolé. Hein. Je m'attendais à autre chose. Je sais, je suis désolé. Hein, mais enfin, voilà, c'était pour dire d'essayer de rebondir avec un peu. Ah, si, alors, si tu veux transitionner sur ça directement, on peut, oui, on peut commencer par parler de ça. Oui. Parce ça fait un moment qu'on parle des problèmes de Joy-Con Rift, que le problème, on le connaît, surtout toi, Chou. Enfin, on en parlait avant. On en parlait un peu tout à l'heure avec Boss Dick Eppel. Ouais. Cette vidéo que j'ai monétisée sur YouTube m'a rapporté 100 000 euros, 45 000 vues. Donc je pense qu'il y a quand même des personnes qui sont un peu impactées par le truc. Mais beaucoup, hein. Ah ouais. Tous chacun, moi je te dis. J'halluciné, je t'avoue, moi. J'avoue, j'ai halluciné. J'ai regardé les chiffres tout à l'heure, j'y croyais pas. Moi, je prête jamais attention à ce genre de choses. Je l'ai eu ce problème, moi. Alors moi, c'était encore sous garantie, donc j'ai renvoyé. Ils ont été étonnamment très performants. Si tu peux nous en dire un peu plus, par curiosité, combien de temps tu as attendu? Mais pas longtemps. En fait, c'était. Je les ai contactés. En gros, en une semaine, j'avais reçu le Joy-Con. Enfin, en une semaine et demie, tout était plié, quoi. Tout était plié. J'avais renvoyé, ils m'avaient renvoyé un truc réparé et tout. Enfin, c'est. Il y avait la garantie. Mais c'était vraiment en mode, ils avaient envoyé une mallette, un relais colis entre guillemets, une mallette Chronopost dans lequel j'avais mis mes Joy-Con. La mallette était ensuite réexpédiée à Nintendo. Enfin, c'était vraiment super pro, juste quoi. Pas la console. Juste le Joy-Con. Oui. Parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes qui sont impactées, on parle de renvoyer entièrement la console. Oui, c'est ça. Leur SAV, il a aucune cohérence de toute façon. Non, on a déjà parlé. C'est pour ça que je l'ai pas fait moi. Je sais pas, on a déjà parlé plusieurs fois de la qualité du SAV de Nintendo et de la qualité de communication de Nintendo of Europe. On va être clair, c'est de la merde. Ça dépend de s'ils ont envie, ça dépend de qui, sur qui vous tombez et comment vous tombez. Malheureusement, moi je connais une personne que j'ai eue sur un Discord récemment qui a dit qu'il avait appelé la première fois, on lui a dit vous renvoyez tout, il a rappelé une deuxième fois et 4 jours après il avait son Joy-Con changé, avoir renvoyé quoi que ce soit. C'est super aléatoire. Du SAV aléatoire de Nintendo. Ah oui, non, mais c'est super. Alors, le SAV, il est surréaliste. Hein. Je pourrais vous en raconter. Hein. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on est quelque part sur ce podcast 5 à avoir la Switch. On est quand même 3 à avoir eu ce souci. Quoi. Oui. Alors, les deux qui n'ont pas eu le souci à Joy-Con Rift, c'est pas compliqué. C'est moi et Pelle pour la simple raison qu'on n'utilise que les manettes. Bah, voilà. Ouais, j'ai jamais touché à mes Joy-Con. Et attendez, il commence à avoir le problème sur les manettes Pro aussi. Oh merde. Ah non, oui, moi je n'ai pas vu. Je commence à avoir des retours des gens qui commencent à gueuler, je le sais, parce que moi aussi j'ai le problème. Il n'y a pas de souci sur les manettes pro, parce que les speedrunners les utilisent sur Mario Odyssey depuis longtemps. Et il n'y a pas de souci sur les manettes pro. Il commence à en avoir, pour te ça, dire. C'est Ça, je. Moi j'ai le problème. J'ai le problème avec une manette pro. Hein. Le même problème. Sauf que là, on a pu le récupérer. Mais j'ai le même problème. Donc, parce que les speedrunners ils utilisent les Joy-Con détachés pour Mario Odyssey parce que c'est plus rapide pour les motion. Non. C'est vrai ? Non. Ils utilisent la manette pro et ils utilisent en même temps les Joy-Con qui sont branchés pour faire les dive throw sur A2. Ça veut plus rien dire. Les speedrunners ils changent 4 fois de manette pour leur run. Balancer la casquette vers le bas, c'est possible qu'avec les Joy-Con et au moment de le faire, ils chopent les Joy-Con, ils le font et ils reprennent leur manette pro. C'est surréaliste le speedrun des fois, c'est comme ça. Il faut s'en faire. Pour revenir un peu à ce qui s'est passé la semaine passée. Le souci c'est le Joy-Con Rift, c'est-à-dire en gros le Joy-Con gauche qui a sa position neutre qui ou droit est aussi. Neutre. Hein. C'est pareil pour les deux en fait. Voilà, le joystick qui a sa position neutre qui est plus neutre. Donc sur le coup un personnage qui avance tout seul ou qui bouge tout seul. Moi c'est un truc que j'avais connu à l'époque, c'est arrivé avec les manettes Xbox. Il y a certaines manettes Xbox moi qui me faisait ça. Mais pas à ce point-là, quoi. Donc, en fait, moi, je l'ai eu sur une manette PS4 aussi récemment. Non, mais on en parlait tout à l'heure en antenne, en fait. Ça peut arriver dès l'instant que tu as un stick analogique. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Ouais. Mais pas à ce niveau, pas à ce niveau-là, quoi. Moi, c'était au niveau que mon personnage... Pour revenir un peu au sujet, en fait, si vous voulez bien, c'est qu'en fait, Nintendo, ils ont quand même été menacés d'un recours collectif en justice. C'est ça. Aux États-Unis. De très grande ampleur, quand même. Donc, du coup, ils se sont dit, pour peut-être arranger un peu les bidons, on va gentiment dire aux gens, bon, même si c'est pas sous garantie, hein, voilà. En fait, Nintendo, c'est pas compliqué, ils font ce qu'on appelle une Apple. Et savoir qu'ils sont conscients d'un problème, ils ne veulent pas le réparer en disant bah, je m'en fous, de toute façon t'as acheté le produit et tu te démerdes avec. Bah, en France c'est difficile de faire une action collective aussi. Voilà. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que ben, Nintendo dit « Pas de problème, renvoyez vos trucs. » Et le lendemain, en fait, Nintendo France dit « Fesse visage. » Voilà. Je m'assois sur le... Alors, et c'est là qu'on en revient à ce que j'ai dit dès le départ. Au niveau communication, c'est tellement la merde qu'il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, on a des décisions qui sont prises au Japon, qui sont répercutées aux États-Unis, qui ensuite arrivent à Nintendo of Europe situé en Allemagne, qui après doit décider de ce qu'ils font au niveau de SAV pour chaque pays. Donc autrement dit, d'ici là que Nintendo France soit effectivement au courant des décisions prises en haut, et en plus on est en été, ouais. Ça va pas se faire, c'est pas du genre en deux jours. Hein. Ça, ça... Enfin bon. Ah bah, le problème, ouais. c'est qu'il y a effectivement un problème. Alors est-ce que le problème c'est pour Nintendo, c'est de savoir est-ce qu'ils ont vraiment un problème de conception et que sur le coup ils doivent dire comme Microsoft à l'époque des Ring of Death. C'est notre faute, on prend en charge. Ou est-ce qu'ils vont évaluer, savoir est-ce qu'il y a voilà, est-ce que le risque en vaut la chandelle ou pas. En termes de répu, tu sais, c'est ouf. Hein. Le problème, c'est que la Switch se vend énormément. Et ouais. Comme prévu, est énormément utilisée par les enfants. Et donc, sur le coup, oui, là, ils font preuve, Nintendo, d'un peu de légèreté, entre guillemets. Mais de toute façon, le fait que la Switch était une console avec une solidité questionnable, on l'avait dit dès le départ. Hein. Nous, les primo-acheteurs, première fois que j'ai ouvert mon carton et que j'ai pris ma Switch dans les mains, j'ai dit « Ah, ouais, non, mais alors ça va poser problème pour les enfants assez rapidement. » Ah bah oui, oui. Après, Nintendo a plusieurs façons de réagir. Est-ce qu'ils vont corriger quelque chose avec les nouveaux modèles de Switch? En mode, hop, vous avez rien vu, mais ça a changé. Honnêtement, non, parce qu'il honnêtement, pas possible. Y en a qui disent que c'est André aussi de la carte mère de la console. Non, ça n'a rien à voir. J'ai entendu tellement de trucs. Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est qu'il y a... Excusez-moi, je vais peut-être voilà, ramener ma science. Il y a tellement de gens qui disent... tout et n'importe quoi. Il y a une vidéo qui circule sur YouTube avec je sais pas combien de milliers de vues où il y a un mec qui met du WD-40 dans ses fucking joysticks. Alors, mon gars, si tu m'écoutes, moi j'ai une idée. Tu prends la prise électrique, tu mouilles tes doigts et tu mets tes doigts dedans. Mais vas-y, hein, fais-le en vidéo et montre-moi cette vidéo. Parce qu'au bout d'un moment, faire de la merde, moi je veux bien. Dans ce cas-là, on fait un truc. Tu mets du liquide vaisselle dans ton réservoir d'essence pour voir si ton moteur y démarre aussi. Et ben voilà, c'est de la folie. Il y a des gens qui sont tellement fait tout et n'importe quoi qu'au bout d'un moment, ben voilà, c'est voilà. C'est... Parce que l'autre problème, ce qui énerve les gens aussi, c'est que l'histoire des Joy-Con, c'est un petit peu un symbole de la Switch dès le départ. C'était censé être la nouvelle façon de jouer, c'était censé être des manettes révolutionnaires. Et pour le coup, c'était plus ou moins abandonné. Quoi. C'était justement le but du jeu, c'était de nous les faire payer 80 balles la paire en mode et ça va révolutionner. Et donc là, je pense que là où Nintendo, ils auraient vendu les trucs 40 balles, les gens, ils ont eu des Joy-Con pétés, ils diraient, c'est pas grave, on le change. Mais au prix où sont vendus les Joy-Con, je crois c'est clair, que... Non, on est d'accord. Hein. Là, ils commencent à se prendre un joli backdash, oui, c'est ouais, sûr. Mais ils sont... Après, c'est ce qui m'énerve, c'est qu'ils mais sont encore. Foutent. C'est l'action en justice qui fait qu'ils ont décidé de réagir. Ouais, mais le problème, c'est que l'action... Boss Dick, on est d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Le problème, c'est que l'action en justice aux États-Unis n'oblige en rien le SAV Nintendo Europe à faire quoi que ce soit. C'est ça. Mais ils le savent aussi très bien. Ils savent qu'en France, on ne peut pas... faire ça. Mais je pense en fait que pour le moment, le problème est encore un peu sous-estimé. Du moins pour beaucoup de gens. Oui, mais après... La console se rend très bien aussi. Je vais dire, ce qui m'a fait prendre conscience du truc, c'est en deux semaines, en février, j'ai rencontré pas moins de 20 personnes qui avaient le problème. Et ouais, voilà. Donc, quand tu vois, comment dire, quand en une semaine, tu croises aller 100, 200, 300 personnes, et t'en as déjà 20 qui ont ce souci, on parle pas, comment dire, d'un défaut de 1 pour 1000. Oui, non, mais puis, ce problème, ça fait déjà pas mal de mois qu'il est mis en avant. Oui, hein. Comme j'ai dit, on suivra, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Exactement, oui. Soit Nintendo fait comme a fait Microsoft, ils finissent par sortir la tête de l'eau en disant... Bon, ok, on a merdé, on prend en charge. soit ils nous font une Sony comme à l'époque de la PS1 et de son problème de conception sur les lentilles, et ils disent de quoi ? Ah non, il n'y a rien, non ? Pourquoi circuler ? C'est Nintendo, je pense. En fait, tu sais, il n'y a pas... Ils ont le choix. Il n'y a pas que Sony, hein. C'était pas Apple sur l'iPhone 3 où tu avais un souci avec l'antenne, où il y a un type qui avait envoyé un mail à Steve Jobs et ce connard de Jobs lui avait répondu « C'est parce que le téléphone, tu le tiens mal quand tu appelles. Mais je mets ma main où je veux sur le téléphone. Est-ce qu'il y a une façon de mettre sa main à l'envers, tu vois, un peu plus cool, un peu plus Apple pour que ça marche ?» Après, je sais ça, pas, reste, c'est... ça reste c'est... Nintendo en communication, voilà. Ils sont toujours à côté de la plage. Il y a des moments où j'ai beau aimer Nintendo, là, quand je vois des trucs comme ça, on est loin du Nintendo du temps de la Famicom, où ils ont eu un souci avec les premières séries, où ils ont tout rappelé, ils ont tout ramené. Ouais, voilà. Mais tu sais, on est loin de ça. Hein. Ça se vend. Il y a des problèmes, mais ça se vend. Ouais, enfin bon, d'un point de vue. C'est dégueulasse. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est d'un point de vue réputation, ils sont en train de prendre un sacré coup dans la gueule avec ça. Mais ils s'en foutent. Je pense sincèrement. Je pense aussi, ouais. Au-delà de enfin, ça. Non, alors, c'est ce que j'ai dit, la réputation, encore une fois, Sony avec sa PS1 et sa PS2 ont vendu des consoles, les premières, qui étaient d'une qualité absolument lamentable. Mmh. Ça leur a jamais porté préjudice. Microsoft a beau avoir avoué l'histoire des premières 360, ça ne les a pas empêchés d'en vendre des millions non plus. Mais totalement. Et voilà. Puis Nintendo, la réputation, ils s'en foutent. Et de toute façon, ils garderont leur réputation. La console continuera à se vendre et à se vendre bien. Ouais, on verra bien après ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Voilà, donc wait and see. Mais n'achetez pas de Joy-Con, malheureusement. Bon, des news un peu plus rétro. On va parler, MO5 nous fait état de la refait surface. Voilà, c'est pas du tout. Oh là, vas-y. L'eau ferrugineuse. On recommence. L'alcool, non. et donc, sur le coup, on est arrivé à retrouver des images de The Terminator sur NES. Alors, l'histoire est assez rigolote. Hein. Le jeu a servi donc sur une cassette vidéo de présentation pour nous montrer que. Regardez, les jeux qu'on va faire, ils vont être vachement trop bien dans l'avenir. Voilà. On parle de la société Sunsoft, qui à l'époque donc se servait de ces captures d'écran pour dire regardez le jeu. Alors en mode même, on va vous faire regarder la vidéo, c'est assez épique. Genre vous allez voir des extraits de films sur votre NES qui ont été digitalisés. Voilà. Et si on en parle, c'est quand même très intéressant, c'est parce que ce jeu ne verra jamais le jour, mais il verra le jour quand même d'une autre manière. C'est le jeu qui va devenir le fameux Journey to Silius. Voilà. Et donc là, l'histoire, on la connaît. À l'époque, Sunsoft n'a pas les moyens d'acheter toutes les licences qu'ils veulent. Ils choisiront d'acheter la licence de Batman et de laisser la licence de Terminator et de sortir malgré tout le jeu sous un autre nom, Journey to Silius. Voilà, en changeant les sprites et en changeant vaguement l'histoire, même si mon histoire sur un jeu comme ça, voilà. Ouais. Mais le dernier boss ne trahira jamais l'origine du jeu, parce que le dernier boss, c'est littéralement le T-1000. Hein quand vous le voyez, vous dites « Ah ouais, d'accord !» Mais faut préciser quand même que c'est des jeux Sunsoft, là, sur NES, sont des jeux d'extrêmement bonne qualité quand même. Hein. C'est des très beaux jeux. Et comme malheureusement beaucoup de jeux Sunsoft, il y a pas mal d'entre eux qui ont été distribués de façon dégueulasse et qui maintenant commencent à côté. Ouais, c'est des très très bons jeux. Et dont entre autres ce Journey to Silius. Ouais. Je vous souhaite bon courage pour le trouver en version européenne. Voilà. Alors moi j'avais découvert ce jeu en streaming pendant une run en fait. Je crois que c'était à la GDQ. Mais oui. Que j'avais commenté avec l'ami Yamato. Ah ben oui, c'est vrai, c'est toi qui l'avais commenté. Oui, Et c'est un jeu que j'adore. Moi, j'ai la version PAL A dans ma collection parce que j'ai jamais trouvé la PAL B, tout simplement. Ouais. Et ouais, j'adore ce jeu. Ça commence à piquer. Hein. Dire que t'as PAL B. Voilà, désolé. Je l'ai pas. Vous avez entendu comment ? Parce que moi, nous... faites dans... ouais, pas fait du grand silence. Blague de Michel Denisot. Bon, puisque, alors, je voulais dire, voilà, entre autres, les jeux Sunsoft sont connus pour leur musique, et Journey to Silius fait pas exception, avec des musiques absolument fantastiques. La basse Sunsoft. Et puis, Naoki Kodaka, le meilleur d'entre nous. Et puisqu'on parle de musique, on va glisser directement vers la news suivante, où, alors, par sur le coup, on revient, alors, voilà, on était dans le passé, on revient dans le présent, c'est merveilleux. Il se trouve que Dotemu nous a dévoilé la liste des compositeurs de Streets of Rage 4. Et dans le présent, pas tant que ça. Hein. Ça tabasse sa mère. Voilà, c'est ça tout ce que vous. Oh là là, c'est fantastique et c'est fou. Si vous m'excusez l'expression. Ah bon, vous trouvez? Vous êtes emballé, ça vous va? Ah bah là, clairement, ouais. D'accord. Voilà. Donc, bah, les compositeurs, oui. On retrouve vos commandes, évidemment, Yuzo Koshiro, qui a signé. Toujours dans les bons retours, lui, hein, quand même. Hein. C'est pas la première fois. Ouais, toujours dans les mauvais bon moments, hein, avec son PC croissant. Ouais, ouais, même, il réussit ses trucs. Hein. Donc, il sera accompagné de Motohiro Kawashima, qui est assez occupé de Street of Rage 2 et 3 avec lui. Ouais. Hideki Naganuma, qui nous vient de Jet Set Radio. Ouais, c'est bien. Keiji Yamagishi, qui a composé dans Ninja Gaiden. Ouais, c'est fou. Une illustre inconnue que je ne connais pas, une certaine Yoko Shimomura. Connais pas. Je sais pas. C'est fou, ouais, c'est, voilà. Fou. C'est fou. Street Fighter 2, Kingdom Hearts, FF15. En gros, Yoko Shimomura. Un truc de merde. Yoko Shimomura. J'allais dire, imagine un peu qu'il y a une bande son qui déchire et le jeu il pue du cul. Non, mais. C'est fou. Là, les noms alignés comme ça vont du rêve. Hein. Ils ont réussi à faire la même chose. Ah, c'est ça qui est rigolo. Ils ont réussi à faire la même chose que Monster Boy. C'est ce que j'allais dire. Ils sont allés chercher Yuzo Koshiro qui supervise la bande son et avec les contacts de Koshiro, bah, ils arrivent à voir les autres, tout simplement. Ouais. Et ça, c'est bien, quoi, finalement. Ouais. Mais du coup, Yuzo Koshiro est souvent travaillé avec pas mal de petits studios français, en fait, en fin de compte, quand même. Ben oui, il est en contact direct avec les gens qui font des jeux comme ça. C'est rigolo. Hein. D'ailleurs, je place entre parenthèses une petite news rapidement. Monster Boy and the Cursed Kingdom est disponible sur PC. Et voilà. Wonder Boy the Dragon Strap est disponible gratuitement avec Twitch Prime. Connaissez-vous Twitch Prime? Mais je savais même pas ça, tu vois. Voilà. Et donc, sur le coup, vous pouvez jouer à Dragon Strap et vous pouvez acheter Monster Boy. La version PC de Monster Boy a des particularités. Déjà, outre le fait que pas mal de bugs ont été corrigés depuis les versions PS4 et Switch, on a en plus en mode ultra-wide pour ceux qui ont des moniteurs ultra-wide. Et le framerate n'est pas capé, ce qui est absolument fabuleux. Vous allez pouvoir jouer à 300 FPS. Yeah. Parce que les gens, ils aiment les FPS. Il y en a plein. Bon, ensuite, qu'allons-nous parler de quoi, hein? Rapidement, petite news rapide, Sega dépose au Japon le nom Night's Dreams Wheel of Dream Wheel. Night's Dream Wheel, je vais arriver à le dire. Voilà. Alors, ça, c'est le retour de Night, pourquoi pas, hein, c'est envisageable. C'était un peu ce qu'ils voulaient. Sega voulait vraiment en faire une mascotte pour Saturn, en fait, hein, à la place de Sonic. Hein. Ça fait déjà quelques années que Sonic, il voulait plus trop le mettre sur le devant de la scène, hein, il me semble. C'est pour ça que Sonic n'est jamais apparu réellement de manière, franche sur Saturn. Et donc, remets pas le couteau dans la plaie, s'il te plaît. Mais oui, je sais. Mais voilà, mais bon. Mais je veux dire, c'est un héros qui mérite. Qui apportait quelque chose d'innovant quand même dans son gameplay. Tout. Alors maintenant, c'est peut-être un peu vieillot quand même. Hein. L'idée. Mais faut voir. Un retour de Night. Voilà, ça pourrait être assez improbable, donc, ce jeu d'Assassin's Creed. Totalement. Ils avaient retenté déjà sur la Wii de faire renaître un petit peu la mascotte. Ça avait marché moyen, on peut dire. Pas trop du tout, même. Ouais. Voilà. Bon. On verra. Donc, tu nous signales peut-être la sortie d'un nouveau jeu Mega Drive, un Kickstarter pour un nouveau jeu Mega Drive qui s'appelle Phantom Gear. Oui, alors j'en sais pas beaucoup plus que ça, si ce n'est que le jeu, il semble avoir une DA assez mignonne. Moi, ça me faisait penser les personnages à un jeu sur Game Gear, un jeu de réflexion qui s'appelait Popules. Je sais pas si tu vois, le côté très chibi japonais. Et donc, c'est un jeu de plateforme action. Ça a l'air assez mignon, kawaii, c'est propre, ça fait très japonisant. Et pourquoi pas. Donc voilà. Ouais, Mega Drive fait partie des consoles sur lesquelles on a pas mal d'outils de développement et donc il y a une grosse scène actuellement qui fait pas mal de choses dessus. Bon, c'est toujours intéressant. C'est un peu comme sur NES. Il y a des jolies petites choses qui paraissent. Ah, ou aussi un autre truc, hein, aussi comme sur le Vectrex où t'as des jeux qui continuent à sortir d'année en année. Et là, c'est Pell qui nous avait mis une petite news pour un clone de Wipeout qui s'appelle Wireout, c'est ça? Wireout, je ne sais pas comment ça se prononce. Ah oui, c'est vrai, attends, je me rappelle. Wireout, oui, oui. Donc, un clone disponible sur Vectrex. Ah ouais. Oui, oui, effectivement. Ouais, ouais, j'avais oublié cette news. Oui, oui. Donc, bah voilà, c'est du beau boulot, mais bon. Gérer bien, en fait, ces 3D fils de fer, en fait. Bah, carrément. Ça, du coup, c'est vraiment efficace, ouais. Ouais, ouais. De toute façon, c'est rigolo, le Vectrex, c'est vraiment une machine qui veut pas crever, quoi. C'est terrible. Oui. Ah, 3D fit de fer, oui. Mais ouais, mais je trouve ça... Là, c'est vectoriel, c'est pas vraiment de la 3D. Mais... Ouais, voilà, quoi. Mais je trouve que ça donne une image, mais tellement vintage, mais jolie. Tu sais, moi, quand je vois des images de Vectrex, tout de suite, tu sais, c'est un peu wargame. C'est, tu sais, c'est ces films d'époque, quoi. Tu vois, d'arrive. C'est rigolo parce que c'était un peu une époque où surtout Atari essayait de pousser en arcade certains jeux comme Tempest avec des moniteurs vectoriels et ça a jamais vraiment fait ça s'est vraiment jamais implanté nulle part alors que pourtant ces jeux ils ont un charme fou en fait et c'est vachement fluide en plus c'est très bien animé. Le souci comme tu as dit c'est que c'est des consoles qui étaient dépendantes de leur écran. Ouais. Et donc, sur le coup, qui était extrêmement onéreuse, puisqu'il fallait acheter des consoles avec des écrans intégrés. Et bon, je pense que ça a dû leur porter préjudice sur assez court terme, malgré tout, malgré l'innovation du truc. Et malgré le fait qu'à l'époque, oui, ça devait avoir un sacré effet wow à l'époque, ouais, quand tu voyais ça. Bah, même encore maintenant, quand tu l'allumes, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se dégage du Vectrex. En tout cas, moi, c'est une machine que j'adore, donc. Mais c'est une machine très compliquée de collectionner dessus en fait. C'est un cachet dingue en fait. Et il y a beaucoup d'artistes maintenant, notamment en musique, leurs jaquettes des albums. Et quand ils ont un truc très typé années 80, ce genre de choses. Ouais, là, c'est vecteur en fait. Mais ça m'étonne pas parce que ça évoque tout ce qui est un peu cette mouvance actuelle, même avec Stranger Things, on le voit. Ouais, ça c'est aussi, ça, c'est ça. Totalement, hein. Et du coup, mais je trouve ça super élégant, très très très graphique, c'est beau. Ouais, tu disais, Chou, c'est compliqué de collectionner la Vectrex, alors que paradoxalement, c'est une console qui a très peu de jeux. Oui, mais la console elle-même, il faut la trouver en bon état de marche. Effectivement, il y a les soucis avec les manettes au niveau des joysticks. Et après, les jeux complets. Au niveau des jeux, voilà, s'ils font complet, c'est-à-dire complet, il faut le fameux insert. L'overlay, oui. L'overlay. Alors après attention, hein, je suis en train de vérifier en même temps que je dis ça, mais il me semble en fait que vous pouvez trouver, il y a des gens en fait qui vendent sur eBay des overlays de remplacement pour quasiment tous les jeux, voire tous les jeux. Oui, mais voilà, forcément. Il me semble les overlays c'est 5€, donc il me semble, c'est 5, entre 5 et 10€. Donc si vraiment vous voulez un set complet. Mais c'est le problème de trouver en fait des jeux en fait sur cette machine. Je vois par exemple, j'en ai acheté un il y a quelques années avec. J'ai trois jeux. J'ai notamment Berserk, qui est excellent sur Vectrex, et Clean Sweep. Et je suis en train de regarder, là, en fait, c'est deux jeux qui sont cotés entre 50 et 80 balles. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Et ça coûte combien de Vectrex? Combien? Je crois à un moment donné, c'était. Déjà, quand j'ai acheté le mien, j'avais dû payer 200 avec les jeux. Quoi. Aujourd'hui, en loose, en parfait état de marche, dans les 200 balles. D'accord. Et après, complet. Je ne saurais pas dire. Hein. Sans compter que si vous voulez le full set, il y a le crayon optique, les lunettes 3D à trouver. Et là, faut se lever de bonne heure et faut sortir le chéquier. Ça fait partie de ces consoles qui ont très peu de jeux, mais où c'est très compliqué de collectionner un peu comme un truc comme le Jaguar CD ou comme la Virtual Boy. Virtual Boy a très peu de jeux, mais il y en a 3 ou 4. Quand vous aurez vu le tarif, vous aurez fait ah ouais, d'accord. Ouais, bah alors ça, par contre, le Virtual Boy, c'est pas un truc qui me fait rêver, comme pourrait le. Ah, mais alors. Je suis pas d'accord. C'est alors moi. L'effet Virtual Boy et l'effet Vectrex, il est pas loin, quoi. Au niveau genre la technologie, que tu mets tes yeux dedans et tu fais oh, et ça fait du relief. C'est génial. Sur le Virtual Boy, moi j'aime bien le son. Je trouve que le son stéréo il est vraiment bien foutu. Ouais. Bah, tu le sais, mais j'ai jamais testé un Virtual Boy. Voilà. Non. Un jour. Alors ensuite, petit tour MO5, toujours à la pointe de la news, qui nous parle de remake, on pourrait dire plutôt, de jeux célèbres. Clone de Worms sur C64, un remaster de Super Monkey Ball, un partage de Defender of the Crown sur une télévision, bref, des jeux que vous avez aimés, qu'il y a des gens qui se sont dit, tiens, si on les portait sur d'autres supports. Alors, déjà, Worms, le premier sur Amiga, on sent que l'Amiga, il est en train de tousser et de cracher ses boyaux. Là, je vois le trailer. Attention, hein, c'est pas moi qui vais porter jugement sur les capacités des développeurs, mais là, je pense qu'il va vraiment falloir, mettre le Commodore 64 sous stéroïde. Hein, c'est... Mais d'après ce que je vois, le concept est là, en tout cas. Hein, c'est... Ça va être compliqué de faire quelque chose pour Worms. On verra. Bref, voilà, si vous avez toujours ces ordinateurs à portée de main ou un petit émulateur pour tester ça, si ça vous fait envie, faites-vous plaisir. Autre petite news rapide, la Polymega, la fameuse console hybride, entre guillemets, qui devait sortir au début de l'année et qui a été repoussée en cette fin d'année, nous présente un module PC Engine. Oui. Capable donc de faire fonctionner les jeux PC Engine et PC Engine CD, et devrait être vendu avec un light gun compatible avec les écrans modernes. Ah, ah oui. Là on commence à parler. Donc du FPGA, donc FPGA pas totalement, il y a une partie émulation, une partie FPGA, bref. On l'a pas entre les mains, hein, donc on sait pas vraiment. Ça a l'air d'être un bordel pas possible cette console, mais, oui. Mais sur le des papier. Des modules interchangeables. Sur le papier, j'ai quand même envie de dire pourquoi pas, hein, mais voilà. Tu trouves ça trop ambitieux, c'est ça que tu veux non, dire c'est non, pas ça, c'est... mais il y a du FPGA, il y a de l'émulation. À un moment donné, il ne devait pas avoir un RP dedans. Ça devait dire, ça. Ouais, mais ça, je crois que c'est fini maintenant, mais enfin, c'est compliqué à suivre, quoi. Voilà, c'est ça le problème, c'est quand t'as les gens qui changent sans arrêt d'idées, quand ils changent autant d'idées sur comment mener à bien leur projet, ça devient après... Un gros bordel, quoi. Et ça devient compliqué même de leur donner un peu de crédit. Mais alors que pourtant, le light gun, moi j'ai envie d'y croire, quoi. Alors on verra. Non, je pense que c'est vraiment à regarder parce que ça peut être pas mal quand même, quoi. Enfin, ouais. Carrément. Ouais. Si ça marche, c'est stylé, quoi. Enfin, tu peux jouer à pas mal de consoles d'un coup avec une seule machine. Avec tes vrais jeux. En plus. Voilà. On verra. Autre façon peut-être dans le futur, dans un futur proche, de consommer du jeu vidéo, donc on en a déjà parlé ici plusieurs fois, le fameux système de streaming de jeux en stream. Oui. On a un nouvel acteur qui vient se greffer, qui se dit très intéressé, la compagnie Tencent. Oui, alors là, ça rigole plus là. on la connaît bien, Tencent. Ah bah Tencent, oui. Tencent, hein, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est tellement de trucs en fait. Bah, marché mobile, c'est Epic Game Store, enfin c'est Epic, c'est Fortnite, c'est surtout les Chinois. Et c'est surtout, oui, mais parce que ça, c'est le marché chinois qui rachète tout. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est sur le marché mobile, c'est des parts absolument dans tout, dans le ciné, dans. C'est les maîtres du monde. C'est quoi, tu dis le nom? C'est presque Disney. Hein. Tencent. Ça s'écrit comment? T-E-N-C-E-N-T. Okay. Ce sont des acteurs incontournables du marché. Ah ouais, pour vérifier si c'est bien ceux auxquels je pense. Jeux vidéo, ils investissent dans tout. Ouais, c'est des monstres. Oui, donc, oui. Sur le coup, ça pourrait donner un sacré coup de pouce au système en stream. Ah bah oui. Je veux dire, voilà. Bon. Après, wait and see aussi. Après, c'est... Quelles sont les conditions? Parce que quand Tencent arrive, toujours des conditions. Et ça, je serais curieux de savoir. Quelles sont les conditions pour avoir... C'est pas eux qui ont racheté l'UFC pour 4 milliards il y a quelque temps? Genre il y a 2 ans ou 3 ans? Non mais c'est possible, hein. C'est Tencent. Ils peuvent tout racheter. Ah non, c'est de WME, IMG, non, je confonds. Tout okay. Est possible. Non mais en tout cas, effectivement, ils ont des billes un peu partout actuellement. Ah mais non, en fait, non, c'est eux. C'est une alliance du WME, d'Alien, je sais pas trop quoi, Kraft Group et Tencent, effectivement, qui avait accepté l'offre de Zouf. Hein, ah mais quand je dis qu'ils sont de partout... Carrément. Mais ouais, bah moi de toute façon en stream, le truc Enfin, moi, c'est la ludothèque que j'attends et. Ouais. Je sais pas quoi. Enfin, il y aura. Et comme en plus pour le moment on peut pas tester parce que Ouais. ils disent que le service est pas officiellement lancé en France. Donc ouais, c'est vraiment compliqué pour en parler correctement quoi de ce Et truc, pour c'est ça le information, sujet. hein, c'est eux qui ont mis de l'argent pour le film Warcraft. Hein. Oui, j'ai vu, ouais. Et Wonder Woman aussi. Hein, D'accord. partout. Bon, deux petites news du site Retro RGB que tu nous rapportes, Monsieur Chou. Donc une première qui parle d'un adaptateur HDMI pour Nintendo 64. Ouais, alors bon, je pense que ils ont balancé ça aux influenceurs avec une, comment dire, avec un embargo. Vous en parlez pas avant tel jour, telle heure, parce que ce fameux, c'est sorti il y a 15 jours en fait, on a commencé à en entendre parler. Mais en une journée, je pense en l'espace d'une heure, j'avais quatre personnes que je suivais sur YouTube qui en parlaient. Ça a l'air franchement pas dégueulasse. Par contre, le prix pique. Il me semble que Le c'est problème, 150 euros, hein. Voilà, c'est ouais. que c'est 150 balles. Et que pour 150 balles, tu peux Ouais. avoir un câble. Parce que ça va vous sortir une qualité comme si vous aviez un câble S-Vidéo sur le 64. Et puis voilà, un petit upscaler quand même. Le problème, c'est que pour 150 balles, tu peux avoir le fameux câble S-Vidéo plus un RetroTINK 2X par exemple, qui sera Ouais. compatible, lui, avec toutes les consoles qui sortent du S-Vidéo et du D'ailleurs, soit dit YQV. en passant, hop, je vous mets dans le lien dans le chat d'une petite vidéo de Metal Jesus Rock qui compare quatre solutions différentes à l'heure actuelle pour faire du HDMI avec votre Nintendo Ouais. 64. Et voilà, Donc c'est pour ça que je voulais laisser moi en parler, mais effectivement, ouais, c'est. moi, mon Bon, avis personnel d'une personne qui n'a pas testé l'appareil, je tiens à préciser parce que apparemment, mais. moi, j'ai pas le droit. Non, non, mais Tu n'influences pas assez. moi, je pense que ça vaut pas le coup. Alors, le prix ne vaut pas le coup. Effectivement, si éventuellement c'était 40-50 euros, tu te dis Mais là, ouais, d'accord. qui va mettre autant d'argent? Parce que le C'est problème, moi c'est que voilà, ouais, qui peux faire, hein. pour le même prix, tu peux avoir un truc qui fonctionne sur plusieurs consoles, quoi. Ouais. Et qui fait pareil. Enfin, ce que je trouve un peu étrange, c'est que la sortie vidéo de la SNES US, de la N64 et la GameCube, c'est le même connecteur, donc Non. pourquoi ça. Non? Non. Ah si, Ouais. c'est le même Le connecteur. C'est pas connecteur est câblé le même. pareil, mais c'est le même connecteur. Le connecteur est pareil, mais le signal est différent. D'accord. En fait. Sur les Mais NES US, enfin sur toutes les NES du monde, tu peux avoir que du composite S-Video, je crois aussi. En tout cas, sur les 64 US, tu peux avoir du composite du S-Video nativement et pas du RGB, par exemple. comment tu D'accord, ok. justifies un prix comme ça en fait? Bah, je pense que. Non, mais en fait, je suis sûr que, industriellement parlant, entre guillemets, son prix il est justifié par rapport à ce qu'il a mis Oui, bien dedans et sûr, tout. Tu c'est vois, ça, c'est pas la question. je dis pas, hein, je dis pas hein, que je suis pas en train de dire que le gars est un arnaqueur ou je sais pas quoi. Non, non, c'est juste Non, mais que. je demande sincèrement, comment tu justifies un prix? Parce que le prix il est élevé, comment tu Bah, peux le la qualité de justifier? fabrication, elle a l'air franchement top. Déjà pour dire. Hein, le packaging est pas dégueu non plus, donc tu vois, c'est quelque part quelque chose qui compte aussi maintenant, malheureusement. Non, Mais. il a pensé aussi, vous savez, quand vous avez des câbles, parce que là c'est un gros adaptateur hein, qui pèse un petit peu, donc quand vous branchez un câble quelque part et que du coup il pèse lourd et qu'il fait peser tout son poids sur le connecteur et Sur le qu'au bout d'un connecteur, moment le ouais. connecteur il lâche ou ce genre de chose. Il a même pensé à ça en proposant un design qui fait que le câble il pose sur le sol en fait, sur la table ou support sur lequel il est, donc il n'y a pas du tout cette contrainte qui s'applique. Non, non, c'est bien pensé, c'est bien foutu, hein, ça c'est même pas la Ah, question, hein, c'est. bah, c'est clair, d'un point de vue design, ça rigole zéro. Hein. Mais par contre, le prix, il pique un peu, quoi. 150 balles quoi. Autre news du site Retro RGB, donc une Effectivement. GBA consolisée. Ça faisait un moment que je voyais des gens qui faisaient ce bricolage sur YouTube. Bon, là, on a quelqu'un de sérieux, on a quand même de GameTech US. Voilà, c'est pas Joe le rigolo, quoi. Sans rire, non, mais sans rire, le mec, il rigole zéro. Donc voilà, il propose ce kit pour consoliser une GBA. On peut brancher une manette de SNES dedans pour jouer avec un pas de SNES. Ah oui, d'accord. Ça a l'air franchement pas mal, mais aïe calamba le prix. On est, ma chère Maryse, sur du 350$. Ah ouais, hein. Ouais, ah ouais. Après, j'ai vu il n'y a pas longtemps un autre youtubeur installer en fait ce kit et tout machin, à savoir Vultar, qui est un youtubeur américain. Le kit en lui-même, ça rigole zéro, mais il a quand même mis une sérieuse critique sur la qualité de fabrication du, comment dire, du support acrylique qui lui était déjà livré griffé. Alors que entre un Game Boy Layer et une GameCube, ça marche. On est d'accord. Oui, alors attention. Pas même qualité aussi, hein, parce que là, ouais. Attention, je pense qu'on parle de 720p. On parle plus que 720p et le Game Boy Player de la GameCube, il a un défaut. Ouais, c'est l'input lag. Ouais, non, j'allais dire que c'est de la merde, mais c'est peut-être un peu trop générique. C'est l'input lag. Non, c'est... La qualité est salissée, mais je crois que le pire défaut, c'est l'input lag. Mais c'est l'input lag. Oui, c'est ça. L'input lag est plus. Attends, moi je l'ai, mais ça me semblait pas être. Dégueulasse comme ça. Non, c'est vraiment de la merde. En fait, t'as l'input lag de l'ordre de plus de 200 millisecondes, un truc comme ça. T'as une qualité d'image qui est dégueulasse. Ouais. C'est vraiment nul. Par contre, t'as un homebrew sur la GameCube qui permet de ne pas utiliser le disque, et donc le logiciel entre guillemets officiel, qui là, lui, par contre, a une qualité. Ça met 100 zéro à tout, même à la GBA consolisée, là. Voilà. Ouais. Petite précision quand même, pour cette GBA consolisée, n'allez pas massacrer une GBA qui fonctionne. Oui, effectivement. En fait, il a juste besoin de la carte mère de la GBA, le truc. Donc, prenez des cartes mères, des GBA qui marchent plus sur eBay, ce genre de truc, qu'on a un écran cassé ou je sais pas quoi, enfin voilà. Allez pas déglinguer une console qui marche, quoi. Enfin, faites ce que vous voulez, mais voilà. Et c'est réversible, accessoirement. Aussi, ouais, de mémoire, il y a juste quelques fils à souder, mais c'est pas super méchant, quoi. En tout cas, la Game Boy Advance, moi, c'est une console que j'ai découverte sur le tard, et je regrette, hein. Franchement, il y a plein de titres. J'aime beaucoup, en fait. Ah, c'est une console que j'aime énormément. Ouais, elle est vraiment bien. Chouette, les os. Je suis parti des méchants, moi, je l'ai pas eu du tout, la GBA, quand elle était en vie. Ouais. J'y jouais en émulation. Je jouais à Visual Boy Advance, j'ai téléchargé les jeux et j'y jouais en émulation. Ouais, mais tu voyais quand même qu'elle avait une ludothèque vraiment super. Quand même. Ah, moi je l'ai eu à sa sortie en juin 2001, t'inquiète, hein, je m'en rappelle. Tu sais que j'ai toujours le premier modèle. Oui, mais moi aussi. Il doit être dans un de mes cartons, je l'ai toujours. Je me souviens avoir terminé le bac français, monté dans la bagnole, c'était un cousin qui venait me chercher, il m'a dit je te dépose où ? Micromania. Alors tu vois, l'écran n'était pas rétroéclairé. Avec des grands yeux, je dis ouais non, tu me déposes là, vas-y. Il n'était pas rétroéclairé. Hein. Enfin, je veux dire, ah bah, carrément pas. Pas carrément mais non, je veux dire, elle avait une bonne gueule. Hein. Elle était vraiment chouette, je trouve. Ah ouais, c'est clair. Tu passes de la Game Boy normale où elle n'est pas éclairée non plus, ça ne te change pas tellement. Oui, là, voilà. T'as de la couleur en plus. C'est ça, ouais. Mais du coup, oui, c'est une bonne machine. Hein. Franchement, la Game Boy Advance. On en parlera un jour. Oui. Un podcast spécial. C'est un très bon sujet pour le... négocier. Voilà. Bon, en attendant, si vous souhaitez, si vous êtes comme tous les vacanciers normaux qui pensaient que le top du top pendant les vacances, c'est d'aller à la plage, et qu'une fois arrivé là-bas, vous faites comme tous les vacanciers normaux, vous vous faites chier parce qu'il n'y a rien à faire, vous pouvez acheter le hors-série JV spécial Mega Drive. On n'avait pas dit qu'il ne fallait pas l'acheter parce que c'était de la merde. Non, attendez. Non, mais toi, ce sont des calomnies dites par des gens médisants. On va être clair, il y a plusieurs teams chez nous. Il y a la team des gens qui disent « Ah, ça peut être sympa ». Et il y a la team des gens comme moi qui disent voilà. Ouais. Et t'as mais la team des gens comme moi qui sait même pas de quoi ça parle et qui a jamais rien acheté. Moi je sais pas de quoi ça parle. Ils m'ont pas filé de chèque et on m'a dit des choses qui ne vendaient pas du rêve, donc voilà. J'y vais, je crois que c'est le dernier représentant de la presse papier en France. Voilà, c'est vrai. J'avais quand même pris les magazines précédents, moi hors série, c'est des hors série. J'avais pris celui sur la Super NES, sur la Dreamcast et la PS1. Et moi, j'aime bien feuilleter ces magazines, tu sais, qui évoquent des jeux passés. Alors, on les a vus 50 000 fois, mais c'est pas grave, quoi. Tu vois, moi, j'aime bien feuilleter ces trucs. Un petit hamac, un pulque au citron. Voilà, mais c'est vrai, c'est ça. Voilà. Et après, faut voir, je l'ai pas encore lu. Hein. Je sais pas, apparemment, les retours, ouais, c'est que c'est quand même pas... Enfin... Ouais. Sur celui-là, je parle pas de JV Le Mag en général, hein. Je parle de ce magazine-là en particulier, là où il y a quand même des grosses conneries sur ces gars qui sont annoncés d'entrée de jeu, quoi. Enfin, Bah, faut voir, ouais. Moi j'avais lu l'extrait, juste par exemple, il parlait de Revenge of Shinobi, comme je disais tout à l'heure, et ils évoquaient donc que la série était morte après les épisodes Mega Drive, en évoquant quand même les quelques sorties qu'il y a eu, mais ils avaient quand même oublié de parler du Shinobi Saturn, quoi. Tu vois, ça c'est un peu dommage. Le truc, c'est quoi, là, factuellement, c'est pas ouf, et si vous considérez que vous connaissez bien la Mega Drive, vous n'allez rien apprendre, clairement. Bah, c'est clair, voilà. Bah, à mon avis, c'est clairement pas la cible aussi. Hein. Bah, je suis pas d'accord, parce que moi, je connais super bien Mega Drive aussi, mais j'ai envie de feuilleter quand même, tu vois. C'est pas l'idée d'apprendre un truc, c'est l'idée de... Tu veux juste tourner des feuilles de papier. Parce que... Oui, voilà. Bah, j'aime bien voir les jeux comme ça. Mais oui. Après, on est clairement pas au même niveau que les bouquins de Florent Gorge sur l'histoire de Nintendo. Ah non. Que tu peux donner à quelqu'un qui connaît rien aux jeux vidéo, le mec qui a lu le bouquin, et trouver ça super intéressant. Mais c'est ça, oui. T'as raison, monsieur, c'est pas fait pour apprendre. Oui, t'as raison. Voilà, oui. Là, c'est pas non plus le but, je pense, d'un magazine, non? Je me trompe ou... Bah oui, mais... Je pense qu'on est plus dans le divertissement ou quelque chose comme ça, non? Enfin, moi, en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais, après. Mais je pense ça, oui. Ok, d'accord. Bon. Mais parce que... Je pensais dire une ânerie, mais... Vous parliez d'autre chose là quand vous disiez que c'est dans ce magazine là qu'ils disent qu'avant l'arrivée de la Mega Drive, Sega c'était rien dans le jeu vidéo. Ouais, je crois, ouais. Ouais. Oui. Bah, ça me donne pas envie d'acheter le bouquin, moi. On est d'accord. Bref, volez-le. Et... Bah non, mais. Non, tu vois bien faire des gens sur Twitter dire qu'ils ont fait 3 heures de cabane à cause de Beyond, d'accord. Non, je voulais pas. Non. C'est le souvenir. Garde à vue. Vas-y, on rattrape le tout aussi. Si vous voulez le mettre dans vos chiottes pour les inviter, ça peut être bien. En parlant de chiottes, monsieur Chou, tu voulais nous parler de cabinet. Ah oui, des cabinets. Ah ouais. Oui. Ah, la transition magnifique. Merci, cher public. Oula, lors du dernier podcast, nous avions parlé des arcades One-Up. J'avais dit, il y en a une dans mon Leclerc. Faut que je pousse les investigations. Alors. Par contre, ce qu'on a parlé en antenne, messieurs, je garde la surprise pour le prochain podcast. Hein. C'est pas un teaser, c'est juste que j'attends que ce soit fait. Ok. Parce que oui, apparemment, je pense m'en procurer une. Alors, tous les Leclerc de tous les espaces culturels Leclerc n'en ont pas. J'ai su en fait, j'ai bien parlé avec un des vendeurs qui m'a dit que seuls les magasins, non seulement qui le voulaient, mais qui avaient aussi les moyens de pouvoir proposer ce produit, le faisaient. Disponible quasiment à la commande, il y a 3 modèles qui sont dispo, le modèle Street Fighter 2 qui est en rupture de stock chez le fournisseur, le modèle Mortal Kombat qui sera pas dispo avant un mois qui est pas en stock chez le fournisseur, et le modèle Pac-Man qui apparemment aussi est plus en stock parce que, vous l'aurez compris, apparemment j'en ai commandé une. Ah oui, voilà. Donc c'est dispo à 550€ pour les bornes, mais attention, sur le coup je me suis dit, oula attends, 550 balles, mais le rehausseur il a combien? Parce qu'en fait, on peut mettre la borne sur le rehausseur. Le rehausseur est compris dans le prix. Leclerc insiste bien là-dessus. Ce qui est 10€ de moins, je pense, que le tarif internet sur ces discounts. Avant, en l'antenne tout à l'heure, Buzzdick me disait aussi que Jouet Club, c'est ça, hein, Buzzdick. Jouet Club, ouais. Ouais, on avait proposé aussi il y a quelques temps. Donc voilà, donc c'est au niveau de la distribution en France. On reste pour l'instant sur des trucs... assez chaotique, il y a vraiment personne qui ose vraiment ou les stocker ou en mettre une en magasin pour attirer la clientèle. Mais j'ai appris que certains magasins indépendants peuvent avoir le produit. Je me souviens plus le nom du fournisseur, puis d'ailleurs je préfère pas mettre les gens qui m'ont donné l'info dans la merde. Mais voilà, beaucoup en fait de magasins indépendants travaillent avec ce fournisseur, donc possiblement vous pouvez l'avoir par vos petits magasins de proximité, si vous en avez encore d'ailleurs, c'est une... Voilà, c'est un truc qu'il faut toujours essayer de privilégier. Et grosse info, la semaine passée, il y a, je mets dans le chat, là, il y a ça qui est tombé. Donc, ils ont... Arcade One Up propose un nouveau modèle qui est le modèle Marvel Super Heroes. Voilà. Ah ouais, c'est cool, ça. Alors, je vous ai donné, ils ont quand même envoyé une borne à Justin Wong. Est-ce que je peux le faire? Crier Justin Wong dans un micro comme... Non, on ne fait pas. Non, d'accord. Oh, c'est l'Evo, là. Tu peux te lâcher, là. Ah non, mais voilà. Ah, c'est vrai, c'est l'Evo, ouais. C'est bientôt ou non? Ou c'est en ce moment? Je sais plus. Enfin bref, ouais, c'est bientôt. Tirer des coups de feu en l'air en criant. Non, mais ce type de graphisme Marvel. Justin Wong, voilà, voilà, Justin Wong. Jack Kirby années 80 et tout, ouais. Je trouve tellement beau. Moi. Donc voilà, ils ont eu la bonne idée d'envoyer ça à des gens qui non seulement ont compris ce que c'était et en plus qui vont mettre le produit en avant. Donc ils ont envoyé une borne à notre ami Justin Wong et aussi à un autre YouTuber américain qui fait quasiment du jeu de baston, qui est Maximilian. J'ai regardé le truc avec intérêt. Sur le coup, je me suis dit, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que Marvel et Capcom, ils sont pas brouillés. Parce qu'après le Marvel versus Capcom Infinite, où le jeu puait un peu la pisse, voire oui. Beaucoup même d'ailleurs, ça prouve quand même qu'il y a quand même encore, ils sont quand même encore moins de se mettre au milieu d'une table et dire, ah ben on va faire du pognon avec ça. Ce qui est une très bonne idée. Ce qui veut dire que, possiblement, ça pourrait déboucher sur pas mal de choses. Donc, dans cette borne Marvel Super Heroes, il y a quoi, ma bonne dame ? Il y a enfin, donc... c'est Capcom et Disney. Oui, mais enfin bon. Oui. C'est déjà bien de voir qu'ils sont pas brouillés. Parce que bon, oui, oui, oui. Donc, quand on sait à quel point chez Capcom ils peuvent être cons, et aussi chez Disney, qui peuvent dire bon, bah, en fait, tel personnage s'est réservé à tel éditeur, vous l'aurez pas. Ce qui était le cas avec Marvel vs Capcom Infinite, où t'avais pas. Wolverine. Ouais, c'était qui ouais, Wolverine, c'est et puis Wolverine. Aussi Spider-Man, je crois. Enfin bref, il manquait plein de persos. Hein. Donc, du coup, dans cette borne, il y a donc Marvel Super Heroes, The Punisher et ouais, X-Men Children of the Atom, si ah, je oui. me souviens bien. C'est quand même trois bons jeux, notamment Children of the Atom et Marvel Super Heroes. The oui. Punisher, c'est un beat'em up, voilà. Qui est bien, franchement, j'ai joué. Ah oui, il est bien. J'aime beaucoup. Ouais. Ah oui, oui. Moi, ouais, je l'aime bien. Ouais. Je préfère même The Punisher à Final Fight, tu vois. Je trouve que le gameplay est plus varié. Et... Ah, moi, ouais. Carrément, moi aussi. Moi, je peux, en tout cas, j'allais dire, je préfère le Punisher, moi, au Captain America et Avenger. Les sprites sont carrément, plus gros ouais. et plus sympas. Oui, bon, ouais. En même temps, c'est pas non plus le même éditeur, mais bon. Oui. Donc voilà. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire aussi qu'il y a. Comment dire, que ceux qui veulent se procurer une borne arcade one-up, il y a moyen en France. Voilà, renseignez-vous. Par contre, faites gaffe aux pigeons chez Leclerc pour payer en plusieurs fois. Il faut prendre une carte bleue chez leur partenaire. C'est Beyond qui m'a appris ça hier soir, ce qui m'a un peu refroidi d'ailleurs. Ils ne proposent pas de solution directe de paiement. Voilà, voilà, ce qui est totalement ridicule. Et je pense que même ça doit leur, comment dire, leur bousiller pas mal de clients. Hein. Enfin bon. Moi, je sais perso, voilà, j'ai l'Espace Q et j'ai Micromania face à face. Quand en l'Espace Q, tu as, on te demande de faire une carte bleue de crédit dans une banque. Et en face, Micromania, on te dit donnez-moi votre carte bleue. Hop, bon, ça y est. Ça va aller, c'est bon, c'est fait. Voilà. Voilà. Forcément. Mais, alors, à la grande surprise du vendeur avec lequel j'ai parlé à la fois hier et tout à l'heure, parce qu'en fait, j'y suis allé deux fois, coup sur coup, à la fois pour des infos pratiques en termes de taille et tout, machin, gabarit, garantie, machin, tout ça. Il y en a rentré une il y a 3 semaines. Non seulement elle est partie, ce qui s'attendait absolument pas à ce qu'elle parte, mais en fait, le truc qui coince, c'est que les vendeurs qui savent ce que c'est veulent monter la borne au moins pour montrer à quoi ça ressemble, mais les chefs de rayon sont très réticents, disent non, ça va prendre de la place, ça va nous attirer des jeunes malfamés. Enfin, je plaisante, hein, mais enfin voilà, c'est un peu la mentalité, ce qui est un peu dommage. Mais en tout cas, ça laisse présager pas mal de bonnes choses pour la suite des bornes d'arcade one-up. J'essaierai de toute façon, si j'ai plus d'infos, de vous tenir informé là-dessus. Donc voilà. Donc ça, c'était une semi-exclue. Vous pouvez potentiellement les avoir à Leclerc ou chez votre magasin de quartier. Et s'ils travaillent avec un fournisseur, je ne me souviens plus le nom, je suis désolé, hein, je suis navré, mais ce genre d'infos, j'ai un peu tendance à les oublier. N'hésitez pas à demander, okay. De toute façon, généralement, s'ils ont envie de vendre, hein, vos petits magasins de proximité, ils vous diront pas non, quoi. Et de mémoire, une dernière petite chose, il me semble que vous avez le fournisseur, et pas, enfin comment dire, si le magasin commande chez le fournisseur, il me semble qu'il peut juste prendre une seule machine. Il n'est pas obligé de genre d'en prendre 3 ou 5, quoi. Ok. Donc voilà. Après, je peux me tromper, moi c'est l'info qu'on m'a donnée après-midi, c'est peut-être pas quelque chose de forcément fiable à 100%, mais enfin voilà. Ok. Merci bien pour ces infos. Merci. On va nous faire rapidement une petite valse des portages de vieux jeux, puisque la version remasterisée de Turok 2, Seeds of Evil, yes. A été apparemment déposée pour Nintendo Switch. Celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Donc, le jeu a été remasterisé déjà sur Xbox One et PC. Et a priori, c'est cette version-là qui arriverait sur Nintendo Switch. Mais il me semble que le premier était déjà sorti, donc est-ce que c'est, bon, c'est une semi-surprise, on va dire. Donc, J'avais oublié que Turok 2 était sorti, j'avais oublié le jeu d'ailleurs. Et voilà, Turok 2, bon, voilà, pour ceux qui ont aimé à l'époque. La valse des porcs, on a vu donc à la grande surprise générale que personne n'attendait, ça tombe bien parce que personne n'en voulait. Donc Bethesda nous a sorti les portages de Doom 1, 2 et 3 sur Switch, Xbox One et PS4. Alors, Houston, on a un problème. Bon, on va parler de Doom 1 et 2 rapidement. Donc, Digital Foundry a bien réuni tous les soucis qu'on avait vu venir depuis une semaine. Ouais. À savoir, sur Doom 1 et 2, le ratio est incorrect. Puisque, en gros, ils ont étiré l'écran 4 tiers. Oui, oui, ils ont fait ça. Les certaines lumières sont incorrectes et certains ombrages ne fonctionnent pas correctement par rapport à la version originale. La musique est jouée trop lentement, les effets sonores sont étouffés et le framerate est bloqué à 35 parce que le jeu a été programmé à l'époque pour tourner sur des moniteurs 70 Hz et donc sur le coup, en entrelacé, ça donne 35 frames. Et donc sur le coup, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui, mais ils ont gardé le cap à 35 FPS. Mais rappelle-nous, Beyond, Doom 1 et Doom 2, ça date de quand? Début des années 90 à peu près. Ah, ah ouais, quand même. Donc voilà, bref, s'il y a plein d'autres ports qui fonctionnent beaucoup mieux que ça, là c'est clairement de la merde dans l'état. Et surtout, cerise sur le haricot, je veux avoir un compte Bethesda pour jouer à ce jeu. Il faut forcément avoir un compte Bethesda pour jouer. Alors ils ont dit qu'ils allaient réagir et enlever ça, mais comme compte Bethesda avec la connexion obligatoire, comme Digital Foundry l'a dit, ça c'est un détail par rapport au reste, parce qu'en vrai, tu veux bien te connecter à un compte Bethesda, mais voir la merde que ça a été à côté de ça, tout ce qu'il y a, enfin voilà, le portage n'est pas correct pour des vieux jeux comme ça, c'est juste non. Voilà. C'est un foutage de gueule surtout. Par contre, on a une bonne nouvelle à côté de ça, c'est que Doom 3, lui, a été correctement porté. Il s'agit donc de la BFG édition qui était déjà sortie sur 360 et PS3. Le jeu tourne parfaitement sur Xbox One X, PS4 et PS4 Pro. La version Switch montre plus de difficultés à tenir le framerate. Mais graphiquement, c'est strictement la même chose que les autres. Donc, malgré tout, comme le souligne encore une fois Digital Foundry, jouer à Doom 3 dans ses chiottes sur une console portable, quand à l'époque le jeu aura fait cracher les poumons de votre carte graphique sur PC, quel chemin parcouru. Voilà, depuis. Jusqu'au water. Quel chemin parcouru en 15 ans. Doom dans tes chiottes, quoi. Voilà. Donc, sur le coup, Doom 3, oui. Doom 1 et 2, non. That's what I mean. Et enfin, dernière petite news pour dire que le seul jeu qui n'allait pas être compatible avec la fameuse carte qui a la Mega SD qui permettait donc de lancer tous les jeux Mega CD sur votre Mega Drive en FPGA, le seul jeu qui n'allait pas être compatible va l'être. C'est ça. Voilà. Que... Et c'était lequel ce titre ? Virtua Racing. Virtua Racing qui nécessitait. Ah, Virtua Racing. Il y avait la puce dont j'ai oublié le nom. Bref, il y avait une puce spéciale sur la cartouche. C'était le seul jeu Mega Drive à faire ça. Et il se trouve que bah, en fait, le corps pour cette puce sur FPGA a été développé par quelqu'un. Et ce quelqu'un, il a dit au développeur du Mega SD, il a dit oh, bah, vas-y, tiens, tu fais comme ça et ça marche. Je simplifie, hein, bien sûr. Et du coup, bah voilà, s'intégrer. Ça a marché. Voilà. Donc il y a encore 2-3 petits bugs. Des petits bugs, tu sais, au niveau par exemple de l'affichage du compteur de kilomètres, par exemple, il y a un chiffre qui passe mal, enfin, ce genre de truc. Mais ça va, ça peut être résolu. Et bah, le fait est que ça marche. C'est ça, en fait. C'est, tous les jeux sont jouables. Donc, un jeu de plus que sur le Mega Everdrive X7, par exemple. Et oui. Non mais ça faut le dire, hein, parce que les prix 200 balles le Mega Everdrive X7, alors ou 70 balles dans sa version X3 moins bonne, mais 200 balles pour le X7 et ce truc là c'est 250 balles. Bon mais tu as raison, mais et il dit tout quoi. Et je suis ravi. Donc voilà. Qui Bon, je pense qu'on en a fini. Alors bah moi, j'ai une dernière news. Je pense qu'on n'en a pas fini avec ça. Ça vient de tomber. Non, mais je le dis parce que comme ça, on le fera pas la semaine prochaine, peut-être. Oui, vas-y, c'est en yaourt. On apprend juste là maintenant le décès de Barrington Fellung. Alors, si ça vous dit rien, sachez que c'est le monsieur qui a fait les musiques de plein de films et séries télé, mais aussi de des jeux Broken Sword. Voyez de Baphomet. Ah, j'étais pas au courant. Ah, bah mince. Ouais, on a notre musicien, ça y est, bah, on l'a notre musicien. Voilà. Ouais, on a pris de l'avance sur la semaine prochaine, on n'aura pas à le faire la semaine prochaine. Ouais, c'est terrible. Bah, disons que ça, tu les as fait, ceux-là, il me semble. Oui, ouais. Je vais être Baphomet et les Bouchilliers de Casalcoal. Je me rappelle surtout de l'accent de George Stubbard, moi. Alors, et c'est justement, c'est les deux dont tu parles, c'est les deux sur lesquels il a travaillé. Donc, voilà. Ah. D'accord. George Stubbard et ce maudit clown. C'est ça, et Nico. Nos condoléances. Et surtout la version PS1 qui ramait du cul, mais alors avec une force. Mon Dieu. C'était terrible. Ok, bon, on en a fini avec les news. On en a fini avec les gens décédés. Bah oui, bah non, oui, je crois pas à ça. Ah, j'espère. Il y en aura d'autres. Alors, allons parler de collecteurs décédés maintenant. Arzu, les éditions Collector. Et déjà, bon, allez, question. Première question, tour de table comme d'habitude. Est-ce que, a priori, vous êtes des gens qui achetez plutôt des versions collector ou est-ce que vous vous contentez des versions de base des jeux ? Non, ça dépend. Ça, ouais, mais moi aussi, ça c'est dépend, pareil. Ça dépasse. Attends, il y a des versions de base des jeux ? Non, mais toi, non, mais toi, c'est... Genre, juste le jeu ? ou alors juste le collector. Ah non, ça, ah, si, oui. ça, je connais. Parce ça. Que... Ça, je connais ça. On est alors, bien d'accord qu'en termes de rationnel, hein, quand on veut jouer à un jeu vidéo, on achète juste le jeu. Ah, quand on veut jouer à un jeu vidéo, bah oui, il n'y a besoin que du jeu. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas des gens rationnels. Mais non, puisque c'est le podcast du collectionneur. Bah oui, c'est pas le podcast des gens qui sont rationnels. Non, mais je vais... Si tu veux juste jouer au jeu, bah effectivement, achète ton jeu et t'y joues. Et encore ouais. Parce que maintenant, ces petits enculés, pardonnez-moi l'expression, ces petits margoulins, ils te mettent du contenu additionnel dans tes éditions collector maintenant. Mais bref, oui. on zappe une étape là. Mais si tu veux juste jouer au jeu, bah tu peux acheter que le jeu et il marchera tout pareil. Hein. Maintenant, si tu veux la belle figurine à mettre au-dessus du bureau, une belle figurine qui loue, l'OST. Voilà, c'est. Ok. Le slip. Les autocollants, voilà. Si tu veux écouter l'OST sans être obligé de lancer le jeu, voilà. Si tu veux écouter une OST où il n'y a que 5 titres dessus. Ouais, alors, oui, bon, on pourra détailler après, effectivement. Oui. Il y a des bonnes OST et des mauvaises OST. Parce que moi, je dirais non seulement que ça dépend, et je dirais surtout que ça a évolué dans le temps. Que la réponse que je ferai aujourd'hui n'est pas la même que celle que j'aurais fait il y a 10 ans, qui n'est pas la même que celle que je vous aurais fait il y a 20 ans. Parce que tu ne collectionnais pas il y a 20 ans. Bah disons bon, il y a une quinzaine, un peu plus d'une quinzaine d'années que je collectionne, donc ça commence à faire un moment. Mais il y a 15 ans, on n'est pas le même. Acheter des versions collector, j'ai commencé avant de collectionner. Et il se trouve que mon point de vue a pas mal évolué, surtout depuis justement, on va en parler, de l'évolution de ces collectors, de leur nombre et du contenu additionnel et des season pass, notamment, tu viens de le dire, numérique. Et de, en gros... certains éditeurs qui ont un malin plaisir à varier les éditions au point de proposer un contenu dans l'heure et pas dans l'autre et vice versa qui te mène à choisir et à te questionner. Arrête de spoiler parce qu'en vrai moi je commence à être d'accord avec toi, enfin avec ce que je pense que tu vas dire, mais bon bref. Sur le coup, revenons à l'apparition des versions Collector ou alors. Il y a pas mal de thèses qui sont sorties dessus. Les docteurs S Collector sont presque tous d'accord finalement. Hein mm-hmm. Non, vous pensez pas qu'il y ait quelqu'un qui a écrit une thèse sur la. Mais si, on y croit. Florent Gorge, certainement. Un des premiers, enfin moi personnellement, le premier collector qui me vient à l'esprit en termes de quand est-ce que c'est sorti, on en a parlé entre nous un petit peu il n'y a pas longtemps, c'est un collector d'un jeu Master System qui s'appelle The Lucky Dime Capper, starring Donald Duck. Coucou au Chacha Max qui nous écoute pas, je sais, mais... Ah oui, parce que l'ami Chacha Max, un éminent speedrunner de ce jeu. Ah bah ouais. Mmh. Je rigole même pas, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Et donc, outre le fait que c'est un excellent jeu, il existe une version totalement collector de ce jeu, qui est sortie dans une jolie boîte avec un t-shirt et une cassette audio d'OST. D'accord. Bon, OST et... Master System, j'en vois dans le fond qui ricane. Voilà, c'est le jeu Donald sur Master System, hein, tu disais. Ouais, il était c'est ça. Si vous voulez un visuel, hop, si vous voulez un visuel de cette édition, je vous en mets un là. Il y en a un sur cette page internet. On a voilà, un joli visuel de... Il suffit de scroller un petit peu vers le bas et vous allez avoir cette édition qui est une espèce de... Parce qu'on parle beaucoup sur Master System, des jeux rares comme les Schtroumpfs autour du monde, gnagnagna, tout ça. Ça, c'est aussi rare, sinon plus rare que les Schtroumpfs autour du monde aujourd'hui dans ce parfait état complet. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça, c'est du... Voilà, mais c'est du coup, je veux dire, c'était en vente. Je l'ai jamais vu, le collecte. C'était en vente en Europe. En vente, d'accord. Alors, en Europe, comment, quand, où? Parce que pour moi, un collector, peut-être les premiers collectors, j'avais dans l'idée de mettre... Que, de... Moi, je pensais que les premiers collectors, c'était pas forcément des trucs en vente, tu vois. Pour montrer que c'était des trucs genre à gagner dans des tournois, tu sais, à gagner une édition assez exceptionnelle. Et là, du coup, elle, pour le coup, elle méritait son titre de collector. Alors, ça, c'est ce que faisait Nintendo au Japon. Faire gagner une version Caravan sur NES ou sur exactement. C'est pas vraiment Nintendo, c'est Hudson qui a commencé le délire. Hudson, oui, c'est vrai, Caravan. Après Nintendo avait aussi des trucs intéressants via le disque système. Il me semble qu'il y avait un tournoi qui avait été organisé sur Formula One Race. Oui. Et en fait, le gagnant, c'est comment dire, les gagnants en fait du concours. Il me semble, c'est eux qui avaient le fameux Game & Watch une forme bizarre. Le Game & Watch. Ouais. Mmh. Voilà, ouais. Voilà. Et bah, du coup, c'est plus à l'origine, c'est quand même ça, quand même. Ouais, mais enfin, je pense qu'on est plus proche du cadeau promotionnel que du collector dans un premier temps. Je me trompe, parce que dans ce cas, il y avait les Game & Watch floqués aux différents noms des sociétés en France. Candia, que tu avais avec un achetant ton lait, tu gagnais un Game & Watch floqué Candia. Plus de l'objet promotionnel. Moi, quand je parle d'édition collector, je pensais qu'on partait sur quelque chose vraiment accessible au grand public. Oui, voilà, c'est ça, c'était dans le commerce. Le jeu est sorti, tu pouvais vraiment tout acheter dans le commerce. Parce qu'après, si on commence à parler des versions presse, pas fini. Ouais, c'est mort. Ah, ouais. Bah oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Oui, les presse, oui, mais. Voilà. Mais effectivement, oui, au Japon, il y a eu ces fameuses versions Caravan qui aujourd'hui sont extrêmement recherchées et valent plusieurs centaines d'euros à plusieurs milliers. Ah, mon micro était muté, d'accord, pardon, excusez-moi. D'accord. Alors, qu'as-tu dit pendant cette dernière demi-heure? Alors, franchement, je sais plus. Mais je disais que pour les versions presse, il faut appeler Antistar. Ça, voilà. Mais après, je sais plus ce que j'ai dit. Oui, c'est vrai. Et donc, voilà, alors, clairement, moi, à l'époque... Après, il y a peut-être un truc qui vous a peut-être un peu échappé ou alors peut-être pas. Pour moi, en tout cas, c'est ma conception. Le premier collector pour moi, c'est le Killer Instinct avec le CD de l'OST. Avec voilà. C'est vraiment j'allais y venir. C'est ce que j'allais dire. Vraiment, l'époque 8 bits, il n'y avait pas. Outre ce Lucky Dime Capper qui est quand même pas très connu, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait pas la conception de sortir des éditions limitées ou avec des goodies, tout ça, dans les jeux. Et c'est venu plus tard, donc avec la 16 bits, comme tu dis, où là, on a commencé à voir des choses apparaître dans ce sens-là. Donc, il y avait effectivement le Killer Instinct sorti avec le CD Killer Cuts aux États-Unis et en Europe. Au Japon, je ne suis pas sûr. Je ne crois pas qu'il y avait le CD au Japon. Je ne pense pas. Ouais. De toute façon, Killer Instinct au Japon, ça n'a pas dû beaucoup se vendre. Hein. Il y a également qui existe, alors accrochez-vous à votre slip, parce que, attention, c'est... Boss Dick. Il y a aussi une édition limitée de Maximum Carnage qui existe sur Genesis. Oui, ça je connaissais, ouais. Ah, ça Urgurich, si tu nous écoutes. Et Maximum Carnage qui en fait, sur le coup, un des jeux les pires à collectionner sur Genesis, parce que non seulement il existe avec une cartouche rouge, mais aussi avec une cartouche noire, mais en plus, il existe une version collector. C'est drôle. Ouais. Également, les deux Echo sur Mega Drive ont connu des versions collector en Europe. Ah ouais. Pour trouver des infos sur Maximum Carnage, Echo et Echo Tides of Time, je vous renvoie sur l'excellent site Guardiana qui a des visuels pour chacun. Et l'autre collector moi, que je connaissais, dont j'ai entendu parler de l'époque, c'est le fameux Street Fighter 2 Turbo Super NES. Ouais, avec la boîte en métal, ouais. Avec une boîte en métal et un pins offert. Il y avait un pins, il y avait la cartouche de jeu et la boîte en métal. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, trouver ce collector complet en parfait état qui n'a pas pris la rouille, bon courage. Ouais, alors, les collectors là, dont tu parlais avec Maximum Carnage ou Echo et tout ça, c'est, je veux dire, c'était un goodies, mais c'était dans un espèce de coffret quand même, c'était présent, ou c'était genre un petit truc en plus Non, c'était vraiment des coffrets, à chaque fois c'était des coffrets. Là, on parle vraiment de coffrets. Hein, de... Ah ouais, d'accord, ok. De coffrets avec dedans des VHS ou des vraiment des. Ah oui, donc c'est un vrai. D'accord. Et du coup, là, il méritait son titre de collector dans le sens où l'objet était rare en plus, hein, j'imagine. Ben oui, c'est, je crois que c'est 5000 exemplaires. On parle de 5000 exemplaires pour. Ouais, quand même. Ouais, juste pour vous donner une idée, une Street Fighter 2 complète en parfait état, non, avec une boîte avec des traces de rayures dessus, pardon, va vous coûter environ 200 euros à l'heure actuelle. Aïe, calamba. Voilà. Mais avec le PIMS. Oh, il y a des PIMS. Il y a des PIMS. C'est à quoi, le PIMS. Est-ce que c'est un PIMS parlant de Jean-Claude Narcy? Désolé. Si les gens sont intéressés, je vous mets le lien eBay. Vas-y, c'est pété. Voilà. Pour l'achat immédiat UKV. Moi, je clique pas. Ouais, là, c'était vraiment des vrais collecteurs. Parce que je vois les gens, là, bon, sur le chat, je sais pas trop, mais sur les commentaires YouTube, là, qui vont s'exciter en mode, ouais, moi, j'avais Cat of Mana, Super Metroid, machin... Oui. Mais ça, c'était les versions normales des jeux, en fait. Chez oui, les jeux vendus avec guide, c'était pas vraiment des versions collector. Ouais, c'est... Bah, pas tous, il y en a qui étaient avec soit guide... Ah oui, ça dépendait de la région aussi. C'est ça, l'ambiance. C'est... Ouais. Il y a eu des versions FH avec notice, il y a eu des versions avec guide en français, il y a eu des versions anglaises, notamment avec des big box, où le guide était dans une big box qu'on n'a pas eu chez nous. Nous, on a eu les blisters rigides. Par exemple, pour Yoshi's Island, il y avait une big box en Grande-Bretagne. Ah oui. Alors après, moi, j'ai aussi autre chose. Earthbound aussi aux États-Unis, une big box. Ouais. Après, moi, j'ai aussi autre chose. Big box. Après, c'est peut-être à chercher du côté en fait des micro-ordinateurs 16 bits. Pour les trucs 8 bits, j'ai rien trouvé. Mais dans ma collection, j'ai Hook sur Atari ST, qui est vendu en fait pareil avec un pins. Mais en fait, il me semble que toutes les boîtes n'ont pas le fameux stickers pour dire hey, « dedans, il y a un pins ». Après, le pins, il ressemble à rien, il est tout moche, mais ça reste un collector. Quoi. Et tu parlais aussi de Killer Instinct et de son CD Killer Cuts. La première édition aussi de Comic Zone sur Mega Drive a été vendue avec l'OST sur CD. Ah oui, Comic Zone, oui. D'ailleurs, Comic Zone, dont on va fêter demain la sortie, en fait. Oh ! Il me semble. Ouais, il me semble. En fait, j'avais commencé à... Je devais vous parler de cette idée. Ouais, sorti un 2 août, Comic Zone. Donc demain, bon anniversaire anticipé à Comic Zone, voilà. Des bisous, Comic Zone. Tenez, juste pour le plaisir des yeux, pour ceux qui ont la flemme d'aller chercher ce Guardiana, sur le chat, je vous mets la... Hop, la photo de la collector Echo, le dauphin, qui est... Ah là là, les rêves des collectionneurs Mega Drive. Ah oui, c'est vrai, ça existe aussi, ça. Avec la cassette, avec le t-shirt. C'est beau. Et le problème, c'est voilà où se fournir ces éditions à l'époque, le système de distribution. Moi, je sais pas. Enfin, personnellement, l'époque Mega Drive, Super NES, j'ai jamais vu ces trucs-là en magasin. Mon avis, c'est peut-être des trucs qui étaient destinés à être donnés en fait aux revendeurs, genre. Enfin, comment dire, essayer de récompenser un peu les meilleurs vendeurs à l'échelle d'un pays ou un truc comme ça, peut-être, non? Je sais pas du tout. Par contre, le Killer Instinct, moi je l'avais acheté à l'époque avec le CD, ça y a pas de souci. C'était après, la première édition a été fournie avec. Après, il y a eu les magasins qui commencent à distribuer des goodies pour les gens qui avaient précommandé les jeux, mais bon, ça non plus, c'est pas vraiment des éditions collector non plus, dans le sens où c'est pas une boîte avec. Plein de choses à l'effigie d'un Est-ce jeu. Est-ce qu'on peut considérer collector les cartouches vendues avec les guides? Les cartouches vendues avec les guides? Les jeux Square, par exemple. Ou Metroid. Bon, ah oui, on en a parlé, on a dit oui. Ouais. Non, c'était l'édition normale, donc c'était pas vraiment l'idée d'avoir des goodies, c'était plus... c'est devenu collector par la suite, quoi. Oui. C'était plus Nintendo qui nous faisait, qui était en mode, bon, je crois que sinon vous n'allez pas arriver à jouer, les pauvres. Vous êtes nuls. Ah, mais c'était clairement dit, hein, de toute façon, bah ouais, c'était. Ils nous prenaient pour des... Merci Nintendo, je suis ravi. Ouais. Après, moi, donc les premières vraiment collector, où j'ai commencé à entendre parler de deux versions collector, PlayStation, non? c'est vraiment à l'ère PlayStation, Nintendo 64, Saturn. Ouais. Alors, pas sur la Saturn en Europe. Sur la Saturn en Europe, on n'a aucune collector. Aucun jeu collector qui existe. Il y a des jeux en four au carton, il y a des jeux voilà, qui ont été vendus avec manette 3D, il y a des jeux qui sont vendus avec des light guns, mais en aucun cas, il y avait des éditions limitées, au sens édition limitée. Non, là... Je pense que les premières éditions limitées dont j'ai entendu parler à l'époque, moi, c'est sur PS1. Il y avait notamment une édition limitée d'un Formula One 99. Ouais, j'allais en parler justement. Et la version 97 aussi avait connu, pardon, c'est 97 et 99 qui avaient connu tous les deux des éditions collector. Et ensuite, surtout, il y a eu la première édition collector que j'ai achetée, qui est la Final Fantasy VIII. Ah, ça, je savais pas par contre. Ouais, c'est celle avec le t-shirt. C'est une que je veux, moi. Mais... Ah. Voilà. Final Fantasy VIII. Donc, dans la collector, il y a le jeu où vous pouvez savoir très simplement si c'est le vrai jeu d'origine ou pas. Il est marqué Not for resale à la place du code barre derrière. D'accord. Si c'est pas marqué Not for resale, c'est pas le jeu qu'il y avait dedans. Il y a un t-shirt avec le logo du jeu, une carte mémoire blanche, un jeu d'autocollant à l'effigie du jeu et un poster double face. Et c'est sorti tout ça dans une boîte en carton, et je ne sais comment, quand, pourquoi, ni où, mais j'ai eu l'occasion d'acheter cette version collector à l'époque, et j'ai dit, je prends. J'ai même pas réfléchi. Il a dit banco. Et ben, elle m'a jamais quitté. Voilà. Ça fait partie des meilleures idées que j'ai jamais eues. Je pense jamais revendre ça. Si vous, j'en ai une sur eBay, là, il y en a une sous blister qui est à... Alors attention... 16 789 €. 789 €. Plus réalistement, en sous blister, hein, L9 sous blister, enfin, ça veut rien dire. Quoi, ça. En état correct et complète, comptez plutôt dans les 300 €. Ah oui, oh, bah, c'est... Après, ouais. Des fois il manque les autocollants, des fois il n'y a pas la carte mémoire, des fois il n'y a plus le t-shirt. C'est le souci des éditions collector à l'époque où, en vrai, les gens les achetaient et les utilisaient. Moi, le t-shirt, il a été porté, il a été lavé plusieurs fois, le logo est légèrement délavé. Forcément, à l'époque, jamais je me serais dit c'est quelque chose qui va valoir. De... Enfin, voilà, à l'époque, t'achetais le jeu et t'avais envie de montrer ta fanitude. Non, mais moi, j'achetais et je porte. Quand j'ai les trucs que j'ai avec des t-shirts, je les ai toujours portés. Quoi. Mais voilà, c'est ça. Juste... T'avais pas. T'achetais pas en mode. Oh là là, je vais le garder pour plus tard. Bah, comme justement, c'est un peu devenu avec les collectors maintenant. On va en parler plus tard. Plus récemment, c'était FF13-2. J'avais acheté un collector. Je le mets. Hein. Bah, il faut de toute façon. Voilà, je ne mets plus parce que j'en ai plein d'autres t-shirts maintenant et qu'il doit être au fond de la pile, mais. Je sais pas. L'autre collector extrêmement réputé sur PS1 qu'il y a, c'est. Le Concert Live. Alors là. Iconium of the Night. Ah non, je ne parlais pas de ça. Dans le pas de celui-là. Ok. Ah, non, okay. Je parle de ça. Des gens qui vont s'évanouir. Le fameux Metal Gear Solid, le Premium Package. Ah oui, bah ah, si, bah, moi c'est de ça que je parlais, moi. Oui. Ah, moi aussi, je voulais voilà. en parler. Voilà, donc, voilà. C'est... Avec le C de l'OST, avec le dog tag. Parce que, ouais, bah, si, ah oui, celui-là, oui. T'as des stickers aussi pour carte mémoire, un t-shirt. Ah ouais. Et sachez que cette version-là, je ne l'ai pas, mais j'ai un très bon ami à moi qui l'a. Et ça fait des années que je lui dis, si jamais un jour, je sais pas, pour une raison X ou Y, t'en as marre de collectionner, s'il te plaît. Non, voilà. Je vais porter des choses aussi que je veux, quoi. C'est Metal Gear. Bon. Et donc, pareil, c'était vendu comme FF8, dans une boîte en carton, de manière assez confidentielle. Sur les magasins, il devait y en avoir une à droite, une à gauche. Je l'ai jamais vu passer en magasin. Jamais. Et également en boîte carton, moi je me souviens à l'époque pour l'avoir vu aussi, mais ne pas l'avoir acheté, il y a eu Ridge Racer Type 4 qui existe aussi en étonnant, ça. Édition limitée. Alors là, elle est numérotée celle-là, on sait qu'il y en a 12130 a priori. Pourquoi 12130, je ne sais pas. D'accord, ok. Ah, mais alors justement, là on n'a pas encore parlé des numérotations des collecteurs, mais ça leur donne une grosse valeur, c'est quand même hein, un chiffre. Numérotation. Alors, la numérotation, ça c'est le. Oui, normalement, c'est ce qui est censé donner le plus de valeur. Alors, la Metal Gear et la FF8 ne sont pas numérotées. Oui, clair. D'accord. Ça, elles ne sont pas numérotées. Et à vrai dire, à l'époque, pas beaucoup d'éditions collector qui étaient numérotées. Bah oui. Mais en vrai, et là je vais peut-être dire une connerie, je sais plus. Parce que les éditions sont souvent appelées éditions limitées, éditions. Par exemple, Darksiders, là récemment, c'est la Strife édition, machin. Jamais une édition collector n'a appelé édition collector, en vrai, il me semble, non? Ouais, parce c'est que, vrai qu'il parce, mettent... que, parce que c'est pas censé être justement, quand tu dis qu'un truc est collector, il est de facto censé être numéroté. Il y a pas une. Je sais pas. Mais attention, ouais, je dis peut-être une grosse connerie là, attention. C'est... Parce que la FF8 par exemple est indiquée Limited Edition. Voilà. Box 7. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en temps normal, on parle plus d'édition limitée plus que collector. Collector, tu sais, j'ai l'impression que c'est. L'édition ouais. limitée ou collector, je sais pas, c'est pas précisé du Ace Combat 7, elle est numérotée. Tu vois. C'est numéroté ça, ok. C'est numéroté, mais c'est pas écrit. Alors, c'est une question que je me posais là pendant qu'on discutait. Je me suis dit, mais oui. Ouais. Non, de toute façon, le terme collector est de toute façon assez ambigu. De toute façon. Oui, bah, on pourra en parler quand on arrivera à l'époque de la GameCube. J'ai une anecdote assez marrante à ce sujet. Bah, pour la PS1, il y en a qui avaient déjà compris la collection. Hein. Square, ils avaient déjà compris dès la PS5 que la collection c'était quelque chose d'important. Hein. Oui, Square au Japon a offert de très belles choses. Vas-y, allez, Square Millennium Collection. Ouais, bah, Moi j'ai Saga Frontier 2. Ah, tu l'as ? Oui, j'ai Saga Frontier 2. Avec le t-shirt d'ailleurs que je porte. D'accord. Et je l'ai ouvert et je le porte le t-shirt. Oui, j'ai Saga Frontier 2. Ah, mais alors, justement, tu parlais des t-shirts. Moi, un t-shirt dans une collector, mais même pas je l'ouvre. Non, là, alors que moi je m'en fous, j'achète. Mais c'est pas encore. Donc, ce qui veut dire que la culotte qui est dans Palace Gun. J'ai rien dit. Désolé. Pardon. Il la porte actuellement. Tu touches pas. Ouais, il vient de dire qu'il ne touchait pas alors qu'en début il disait là il l'avait pas. Enfin mais bref. Oui, début, c'était une pourrir justement. Je disais ça. Donc ouais, on disait Square en termes de collector, ils ont compris très très vite l'impact que ça avait. Dès la PS. Bah, clairement, c'est dans les tout premiers, oui. Parce que c'était quand même quelque chose d'assez rare. Malgré tout ce qu'on a cité, Beyond, c'était quand même pas super démocratisé. Hein. Non. Et surtout, c'était assez localisé. Juste pour revenir sur ce qui se passait en Europe rapidement, est-ce que vous savez par exemple qu'il existe une édition limitée Breath of Fire 3 ? Ah non ? Hop, je mets la photo sur le chat, uniquement en Allemagne. Parce que c'est une édition avec une. Ah, j'ai déjà vu ça ! La même chose, toujours aussi surprenant parce que nous on sait pas parce qu'on n'a pas eu en France, le Spider-Man limité avec t-shirt et comic en allemand. D'accord. Et il y a eu des. Ah ouais ? Et ça, tu dis, ah ouais, quand même, tiens, ça existe ces trucs-là. Bon. Et tu l'as évoqué aussi, Chou, rapidement, le fameux Castlevania Symphony of the Night, édition limitée, qu'un jour il sera mien. Oh oui, un jour il sera mien. Ouais. Oh là là, je savais même pas le Breath of Fire 3, comment ça fait. C'est ça le problème, c'est que ça fait envie. Bah et ouais. ce qui est bien avec le Breath of Fire 3 en allemand, t'auras autant de problèmes que pour y jouer avec la version. Donc, finalement, on peut clairement. Acheter la version allemande. C'est clair. Ouais. Voilà, là, ce qui est bien, c'est que on a un nombre de collecteurs qui est quand même assez limité, et donc on peut se dire, je vais essayer limite de tous les trouver. Bon, aujourd'hui, ça va devenir assez un peu compliqué. N'empêche que la figurine de Breath of Fire 3, excuse-moi, on dirait une figurine d'Happy Meal. Mais le collecteur est joli. J'ai pas osé la faire. Mais le collecteur est joli quand même. Ah, c'est vrai, hein. Franchement, je pense qu'on dirait un Skylander chinois, tu sais. Un petit Skylander. Pardon, vous pouvez reprendre, je ne suis plus là. Au revoir. On va un petit mot rapide sur la reine des collectors de l'époque. Ah, il y a la reine. Allez, la reine des collectors de cette génération-là, qui n'est pas un jeu PS1, qui n'est pas un jeu Saturn. C'est un jeu Jaguar. Je vous mets une petite photo dans le chat, 1000 exemplaires, on en rêve tous. Une édition spéciale de Kazumi Ninja. What? Non, je sais de quoi il parle. Spécial. Bon là, il a foiré son lien, mais je sais de quoi. Le lien est magnifique. Oui, moi je rase masque. Le lien cassé. Voilà. Oh, désolé. La fameuse collector Majora's Mask limitée à 1000 exemplaires avec l'OST, le t-shirt, les badges, la montre et son certificat d'authenticité. Voilà. Alors, Ça, j'en ai vu passer une il y a quelques années chez un tenancier de magasin qui. Alors d'ailleurs, c'est rigolo hein, parce qu'on l'a vu une semaine, il l'a plus jamais remis. Pourquoi? Parce qu'en fait, il mettait ça en vitrine, genre pour attirer le couillon moyen, ce que j'appelle ça. Mais dès l'instant où je lui ai dit, fais gaffe parce qu'un article dans une vitrine, normalement, il doit avoir un prix. Là, tu dis qu'il n'y a pas de prix, tu dis que c'est le tien et tu veux montrer que tu as la plus grosse. Mais fais gaffe, c'est à quelqu'un qui passe, t'as un contrôle. Le lendemain, paraîtrait-il, il n'y était plus le truc. Hein. Et Donc voilà. le prix d'ailleurs, Maryse, il était de combien? Tu le Eh ben sais? en fait, mais ben non, mais c'était pas en vente. C'était au propriétaire du magasin. Et Beyond, tu sais à combien il était vendu? Alors, Tu vois, à parce que j'ai combien jamais eu était passé, vendu moi. le Parce que collector ça à vaut. l'époque? Non, mais combien il était vendu à l'époque? C'est une bonne question. Bon, Histoire de voir par rapport à maintenant. Et au Je calme, vais Beyond, il chercher me un sort un site truc qui qui s'appelle sortait sur Nintendo PC. 64 Je sais pas du tout, franchement. Alors, Non, est-ce parce qu'à que. l'époque, ça devait quand même tabasser aussi. Hein. C'était un truc bien particulier et assez rare. Hein. Surtout que Est-ce Nintendo, j'ai qu'il pas était l'impression vendu d'être. directement? Est-ce qu'il était en vente que via la boutique Club Nintendo? Je ne sais pas Ah, comment ça s'est ça passé. c'est possible en même temps. C'est tout à fait Il y avait possible. un Club Nintendo à cette époque, la 64? Est-ce qu'il y avait déjà un Club Nintendo à l'époque? Est-ce que. Bah, il y avait forcément un Club Nintendo, puisqu'on recevait déjà sur NES le Oui, journal. non, mais enfin, je veux dire, où tu pouvais commander des trucs en échange de points. Oui, mais ça devait être pas encore Internet, mais par la poste. Je pense qu'il devait avoir un. Ah, mais je sais pas en fait. 64. Bon, j'avoue que je n'ai pas l'info de combien c'était vendu à l'époque. Mais de toute façon, je peux dire une chose, c'est qu'ils se sont tous fait une bonne affaire. Non, mais par rapport à maintenant, le prix qu'il doit coûter maintenant, ça doit être indécent. Si déjà tu le trouves, parce que ça doit être difficile à trouver en bon état et complet. Dans Mais le effectivement, je l'avais jamais vu passer celui-là. même genre, hein. Il y en avait Voilà. une autre de Zelda. C'est une des Hein. plus belles éditions et une des éditions de Zelda, sans doute l'édition limitée Zelda la plus difficile à trouver. Très loin devant la fameuse Collector's Edition avec sa cartouche dorée de l'Ocarina du Temps qui est sortie en Australie, qui est même pas une vraie édition collector. Je vous Il y a aussi l'édition duo Oracle of Ages Donc, Seasons, bon, Zelda édition collector, qui est on pas est mal, quoi. quoi? Après, je pense qu'on part plus sur la Ouais. 3DS, non? Un truc comme ça? Non, parce que sur Sur GameCube, ils nous GameCube, il y avaient en a eu? sorti un Ah, vieux CD mais avec la mon Master micro Quest qui est encore mute, et un c'est. autocollant Europe 2. Beyond, Ouais. tu parlais du. Ocarina du temps? Oui? Il y a une édition. Je suis désolé, mon micro était encore mute. Hein. Une édition aussi Oracle of Ages et Seasons en duo qui a dû sortir dans ces Ah oui, eaux-là non, qui est. mais je disais rien, je disais des bêtises, mais Alors, c'est ça que je l'Oracle des pensais. âges et l'Oracle des saisons étaient effectivement sortis en duo, mais alors là par contre c'était commandable uniquement via Ouais. le Club Le Nintendo. Il Nintendo. était vendu avec un boomerang. Et ça Ah ouais, coûtait une effectivement, ouais. fortune. Et elle Une était. édition absolument superbe. Elle est assez Ouais. ouf aussi, ouais. Ouais, alors. Ouais, mais ouais, sauf que là, t'es obligé de passer par Club Nintendo, effectivement, si tu veux Et l'avoir maintenant. l'autre grosse collector du Club Nintendo, c'était la Minish Cap. Voilà, j'allais. Voilà, Alors, donc pour info, histoire de rigoler, la fameuse édition limitée Heracle of Age et Heracle of Saison, ça avait été vendu lors d'une vente aux enchères chez Milone. Ça a été vendu 800 balles. 800 balles. Oh putain. Oui, pardon, enfin, attention, hein, c'est. Comment dire? Je pense qu'en fait, il y a des gens, en fait, ils ont dépensé de l'argent le jour-là, mais ils savent pas, ils se souviennent plus de rien, en fait. Tu sais. À mon avis, soit On ils peut ont pas été parler de drogués, soit ces ils ont ventes aux craqué derrière enchères. la tête, tu sais. Hein. Tu sais ce que j'en pense de ces ventes aux enchères. Ah, bah bien sûr, on en a souvent parlé. Hein. Voilà. Voilà. Bah, tant mieux pour eux s'ils savent ce qu'ils ont Ah, acheté. oui, bien sûr. Hein. Bien Mais sûr. 800, ça pique le Tant mieux boule. pour eux. Hein. Voilà, pour des jolis visuels sur ces éditions-là, je vous renvoie sur un site Zelda que j'aime beaucoup. Hop, Ouais. Et pouf, pour donner le une panel, autre là. info. Voilà. Pour donner une autre info, Oracle of Age et Oracle of Saison, l'édition limitée, on parle de 500 exemplaires. Ouais, il n'y a que Ouais. 500 exemplaires. Ouais. Voilà. C'est ce que je lisais aussi. Mais le boomerang, moi, il me fait, mais voilà. Je le veux. Ah Le ouais, sens, c'est par exemple. magnifique. Celui-là, tu sais que tu l'auras jamais, par contre. Ah ouais, c'est. Ça c'est des trucs, tu sais, qui sont Et accessibles. apparemment, 500, on parle donc de 300 exemplaires. Moi, j'ai des sources qui me disent 300. Ah bon. Et pareil, le pack Minish Cap et limité aussi à 300 exemplaires. Ou donc vous aviez un exemplaire de Minish Cap, notamment la console en version Triforce, le t-shirt et un bonnet et un certificat d'authenticité écrit à la main. Juste pour petit aparté, il a été vendu hein, sur le site. Bien. D'accord. Ouais. Et donc sur le coup, ça vaut cher. Plusieurs milliers. Très cher, plusieurs milliers de. Après, c'est on parle de collector, donc on sait qu'en termes de. Et c'est là qu'on en vient à ce que tu disais tout à l'heure. Ils sont numérotés. Oui. Et ça qui est bien, c'est que la numéroté, c'est bien, ça paraît d'avoir une certaine traçabilité d'une part, et d'autre part, c'est, enfin, tu sais combien il y en a eu, tu sais combien il y a d'exemplaires, c'est. Voilà, ça permet d'avoir le nombre. C'est aussi un truc qui se fait, mais même pas seulement pour les jeux vidéo, hein. Mais là, comme la console 500 millions que tu as eu tout récemment, elles sont numérotées celles-ci. Oui. Et c'est quelque chose qui se fait sur les, notamment sur les statues depuis pas mal de temps aussi, hein, pour éviter d'avoir. Ouais. Voilà, certifier au moins l'authenticité d'un exemplaire. Mais ouais, ça donne un cachet de. Ouais, de sérieux, quoi, je trouve, quoi, tu vois. Bah, c'est là où tu dis aussi que tu fais partie des rares à l'avoir. Ouais. Ça joue sur ça aussi. Hein. Et moi, je comprends. D'exemplaires, j'en ai un. Ouais, voilà, c'est ça, quand c'est vraiment un jeu que t'adores, moi, je trouve ça normal de vouloir essayer d'avoir le. Limité, quoi. Il joue sur ça, de toute façon. Sur la génération PS2, Xbox, GameCube, ça a été beaucoup plus calme au niveau des éditions collector. Moi, j'en ai une d'édition collector sur GameCube. Sur GameCube, j'en ai deux, en fait. Il y en a surtout une dont je voudrais parler. C'est la fameuse édition collector Wind Waker. Avec le CD qui contenait aussi Ocarina of Time, Master Quest. Avec le gros autocollant Europe 2. Ouais, c'est ça. C'est celui-là, ouais. Et qui, en fait, était. La collector a été beaucoup plus répandue que l'édition classique sans tout ça. Oui. Ce qui fait que la vraie version la plus rare à trouver, c'est celle sans. Et à tel point que j'ignorais même son existence à cette version sans le bonus. Mais moi aussi, parce que je l'ai aussi, cette version. Et c'est en allant. Et Alia. Elle avait Wind Waker avec la boîte noire, sans, enfin classique et tout. Je suis. Ouais, mais alors. Ça existe. Ouais. Donc voilà. Non seulement tu dis qu'elle est plus rare, mais en plus elle n'intéresse pas grand monde au final. Quand même, puisqu'elle a. Alors, c'est l'espèce de gag qu'on a chez Nintendo depuis le début, parce que là tu parles de Wind Waker, on va revenir un petit peu en arrière si vous voulez bien. Ouais. Déjà à l'époque de la NES, les versions Player Choice de Zelda 1 et Zelda 2 sont des versions donc, qui sont censées être tirées pour signaler que le jeu s'est vendu énormément, avec une cartouche grise au lieu de la cartouche dorée d'origine. Ces versions-là aujourd'hui sont beaucoup plus recherchées que les versions dorées. Ouais. Un peu plus tard avec la Super Nintendo, il y a eu des versions Player Choice de certains jeux en France, dont Zelda 3, qui existe avec une boîte rouge, beaucoup plus dure à trouver que la boîte normale. Game Boy, on a Link's Awakening, le premier, Game Boy tout court, qui est sorti aussi en boîte rouge Collector's Edition, bien plus rare à trouver que la boîte normale. Et c'est une espèce de running gag chez Nintendo, c'est-à-dire que les éditions régulières ou les éditions Player Choice sont parfois plus dures à trouver que les éditions lorsque les jeux sortent. Ce qui est quand même rigolo. Après, c'est des trucs de collectionneur parce qu'en vrai, comme tu dis, enfin, on s'en fout quoi. Oui, que ce soit. Mais effectivement, sur Wind Waker, la version régulière, entre guillemets, est plus difficile à trouver que la version collector. Et en plus, alors que la version, bah, comme vous le disiez aussi, bah, la version entre guillemets régulière est plus intéressante. Il y a Master Quest, Ask et tout. Voilà, c'est. Et l'autre, donc, collector dont tu souhaitais parler. Ah oui, en fait, au moment où j'ai dit, je sais pas si c'est vraiment une collector, il y avait Final Fantasy Crystal Chronicles. Qui était fourni. Avec la boîte et le câble. Hein, alors, il y avait l'OST, une mini OST du jeu, et le câble Link. Mais en fait, je sais pas. Ça, il me semble que c'est la version normale. Hein. Ouais, alors, le truc, c'est ça, c'est qu'il y a pas mal de jeux qui sont sortis en coffret sur GameCube. Alors, notamment Odama, avec son micro, Mario Party 6 et Mario Party 7 aussi, avec leurs micros respectifs, la Final Fantasy Crystal Chronicles, et il y avait également la Zelda, comment il s'appelait ce jeu, Force Sword, qui est sorti aussi dans une boîte en carton avec le câble Link. Oui, mais il y avait autre chose en plus pour le Crystal Chronicles. Tu te rappelles le livret avec fiche signalétique de l'univers, de tous les personnages et tout ça, que j'ai, que je t'avais montré, Bilou, en disant tu ne connaissais pas. Tu nous l'avais montré, effectivement. Ouais, je l'ai gardé, celui-là. Et du coup, mais ça, par contre, moi, je ne l'ai jamais revu nulle part. Hein. Et du coup... Et c'était pas dans la, entre guillemets, collector que j'ai non plus. Hein. Moi, c'était quand je suis allé le prendre en magasin, je voyais que le magasin, il avait ça sur son bureau. Je lui dis, ah, bah, est-ce que je peux reprendre un, moi aussi? Et le mec, il m'a dit, bah oui, bah vas-y. Donc du coup, j'ai pris mon l'édition limitée, tu sais, avec ce qu'il y avait dedans, la Crystal Chronicles, et je suis reparti avec ce livre-là, gratos. Mmh. Donc voilà. Mais bon, là, c'est plus du goodies que... Parce que le truc, c'est que voilà, c'est des jeux qui existent, bon, sauf Odama. Odama existe uniquement avec le micro, parce qu'il ne peut pas être joué sans micro. Mais les autres jeux, il y a eu des versions normales, régulières, et des versions avec boîte et accessoires. Mais c'était pas vraiment, on n'est pas vraiment dans l'idée de la collector limitée. Non, c'était pas vraiment non, c'était une version spéciale pour ceux qui voulaient tout, quoi. Mmh. C'est tout, quoi. Ouais. Au niveau édition limitée sur la PS2, moi je me rappelle aussi des premières versions de certains jeux qui étaient vendus avec des bonus comme une OST ou un DVD avec des épisodes d'OAV. Je pense notamment au Dotac. Les premières séries des Dotac ont acheté à chaque fois un DVD pour présenter la série. J'ai les jeux sur PS2. Oui, c'est vrai. Persona 3 et Persona 4, pareil, étaient vendus les premiers avec un CD d'OST. Avec un CD d'OST, et je les ai. Ouais. Parfois même, il y a des choses encore plus bizarres. Il y a des jeux qui sont vendus avec un autre jeu. Hein, comme notamment Pac-Man Versus, qui était vendu en fait sur GameCube. Avec comment il s'appelle, Air Racing, je sais plus trop quoi. Depuis tout à l'heure, j'essaie de me souvenir. Voilà, Air Racing Evolution et la version, je crois, italienne de iNinja ou un truc comme ça. Mmh. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Pac-Man Versus, c'est très sympa. Ça joue sur GameCube et il faut le fameux câble dont on a parlé tout à l'heure qui était vendu avec Force Word et puis le Final Fantasy. Je me souviens jamais le nom. Cable Link, oui. Voilà. Et sur PS2, faut pas oublier aussi les collecteurs de Metal Gear, encore. Parce qu'ils ont refait le coup pour le 2. Ah bah oui, le Snake Eater, là. Ouais. Ah, ils ont refait le coup. Et ils sont... Comment ça, les collecteurs? Il y a des collecteurs qui sont sortis pour Metal Gear 2 et 3? Oui. Le 3, oui, attends. Même pour le 2, t'as des premiers. Non, mais tu parles, c'était juste une boîte métallique. Il n'y avait pas des goodies ou des trucs comme ça? Ah, mais si, je sais plus. J'ai rien regardé, mais. Non, je sais pas. Il existe. Bosdick a raison. Il existe une version. Si, ils ont fait pour le 2 et pour le 3, normalement. Pour le package sûr? Le 3 sûr, en packaging japonais sûr, qui a un truc de fou avec genre un mini tank ou un truc comme ça. Je me souviens l'avoir vu. Oui, avoir vu en photo. Ils ont refait le coup. Ouais, ouais. Au moins déjà pour le 3, j'en suis sûr. Oui, ouais, le Snake Eater, il avait un super collector. Et sur PS2, il y a aussi un autre collector qui est un faux collector entre guillemets. Le fameux Xenosaga 2. Où c'est censé être un collector, mais en vrai, ce qu'il y a en plus dans le packaging, c'est juste pour t'expliquer le premier, parce qu'ils l'ont jamais sorti. Hein. Je viens de vérifier, il y a un collector de MGS2, en fait. Hein. Ok. Avec un premium disque, avec un artbook. D'accord. Et ben... Avec plein de photos de Kojima dedans, avec des photos de Kojima dedans. Sérieux? Oui, il y a des photos. Je le veux. Non, je déconne. En slip. Je laisse pour Buzz Dick alors s'il est en slip. Alors moi j'en veux pas. Ils ont fait des premiums aussi pour le 2 et le 3. D'accord. Ouais, t'as même une OST et tout, ouais, je savais pas. Ah, effectivement, il y a des photos de Kojima. Oui, t'as même une version d'après ce qui est indiqué aussi avec un buste de Snake. D'accord. Un buste de Kojima. J'aurais. Non, non, non, j'en achète 12. Pour cracher dessus tous les matins. Il paraît que la collector de Death Stranding, c'est un embryon de Kojima. Oui, j'en achète 12 aussi. Mais voilà, pour dire que Konami et Metal Gear, les premiers packages, ils aiment ça. D'accord. Ça, c'est parce que Kojima, il a un ego mentionné. Il a dit, ouais, mes jeux, il faut des collectors. Non, mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait pour le 3, ils ont fait pareil avec le Subsistance, quoi. Ils ont sorti un premium pack. Le premium pack de l'édition premium, l'édition GOTY. Mais bon, ça restait encore assez rare, enfin, même presque plus rare. Ça restait peu courant, et je voulais en venir là, justement. On va continuer à avancer. Voilà, sur la génération qui, pour moi, ben, pour nous, je pense, les collecteurs ont explosé. La génération PS3 360. Où c'est là, bon. N'importe quoi. Un truc de... Moi, la première édition collector dont je me souviens, moi, à l'époque, c'est... comment il s'appelle ? Oblivion, sur 360. Oh, j'ai complètement oublié ça. Qui était vendu avec une carte, avec une pièce reproduisant la monnaie du jeu. Oui, oui. Voilà, un packaging collector. Ça, c'est un des premiers jeux 360, et c'est une des premières collectors dont je me souviens. Et là, bah, ça a été le début de la fin, j'ai envie de dire. Ouais. Moi, là, des tout premiers collectors de cette génération-là, je crois que, comme ça doit être comme Boss Dick, ça doit être le Star Ocean. Ouais, mais celui-là, en plus, je sais pas si c'est une version collector, il me semble que c'était la version normale. Ah non, je crois pas. Tu crois ? Ah non, non, je crois pas. Le Star Ocean 3 ? Ouais. Oui. Moi j'ai... Le 4. C'est le 4. Oui, le 4. Le 4, pardon. Sur le 4. La version avec la boîte, la jolie boîte, et le petit artbook et tout. Je sais pas si c'est la version collector ou si c'est la version de base, où ils l'ont vendu comme ça, en fait. Ah non, je pense pas que ce soit une édition normale. Est-ce que c'est vraiment collector ou juste une version... Bah, en fait, c'est ça aussi le problème maintenant. Plus. C'est aussi le problème maintenant. Enfin, cela, bon, version PS3 et même maintenant PS4, hein, c'est la même chose. C'est... On sait plus trop ce qui est collector ou pas, en fait. Oui, oui. Parce que maintenant, ils sortent des éditions plus avec des trucs en plus, des trucs... Mais c'est impossible de les citer. Au début de la 360 / PS3, il y a des collecteurs pour moi qui étaient vraiment collecteurs. Je me souviens du premier BioShock avec sa statue. Oui. Où là, c'était vraiment un des premiers où il y avait collecteur. Le Batman Arkham aussi et des trucs sympas. Mm-hmm. Le City, je l'ai. Bon, avec la statuette et tout. Il faisait vraiment bien. Et l'autre société qui, justement, ben, ça faisait partie du marketing de la 360, donc il y a eu pas mal dans ce sens-là, c'est Halo, où on se souvient, j'espère que vous vous souvenez, de la Halo 3 légendaire et de son reproduction, son option de masque totalement démesurée. Oui. D'accord. Et il n'y a pas une version aussi où ils avaient mal emboîté les CD et les trois quarts, ils avaient CD. Si, ça c'était la collector avec les CD qui faisait glum glum glum dedans. Oui. Effectivement, oui. Mais là, oui, la fameuse édition légendaire où là, ils ont commencé à avoir plus grand, plus gros, plus fort, plus cher. Surtout. Tu sais, on parlait de plus cher, mais Ubi, ils avaient déjà pas mal de collecteurs aussi hein, sur PS3. Il y en avait une Rayman légende, je crois. Splinter Cell Blacklist. Il y avait une collector Splinter Cell Blacklist avec une figurine. Attends, je vérifie. Ouais, figurine, steelbook, un bouquin. Ouais. Dans une boîte et tout. Mais c'était assez. Ouais, c'était quand même très confidentiel. C'était juste un petit artbook et pas grand chose. Bah, là, t'avais quand même une petite figurine et tout, mais après, ça reste des trucs, effectivement, que tu voyais assez peu. Oui, alors je vais en parler. Un jour, on fera un podcast spécial sur ce jeu, même si je serai tout seul. Assassin's Creed montre bien l'évolution de ces collectors. Le premier épisode, il y avait juste une version collector avec une statue. Et encore, la statue était vendue à part, c'était même pas dans le packaging. Et il y avait, pour les primo-acheteurs, il y avait un steelbook limité. Ouais. C'était assez raisonnable. Et à partir d'Assassin's Creed 2, ça a pété les plombs. Où à l'époque, ceux qui l'ont acheté s'en souviennent, il y a eu la Black et la White Edition. La White Edition était disponible assez largement et facilement. La Black, pour l'avoir sans l'avoir réservé plusieurs mois avant, c'était impossible. Ouais. Et là, ça a commencé à devenir n'importe quoi. Les statues à l'intérieur n'étaient pas les mêmes. Donc, les gens qui voulaient vraiment tout, il fallait acheter toutes les éditions. Ouais, Mais je veux dire. Ouais, tu voulais poursuivre. Hein. Non, vas-y, vas-y, non, non, c'est bon. Non, mais je veux dire, c'est même plus que ça pète les plombs et tout ça maintenant. C'est que. Je veux dire, l'intégralité des jeux maintenant sortent en édition standard ou collector. Quoi. Je veux dire, c'est. Maintenant, tous les jeux ont leur édition collector. Il n'y a pas autre chose. Au point même que lorsque Luigi's Mansion 3 arrive, on est là, on se regarde tous en disant. Oui. Ils annoncent quand la collector. C'est ça. C'est oui. Clairement, c'est ça. Et d'ailleurs, oui, et plot twist, plot twist, il en a pas, putain. Oh la vache. Ils ont fait pire, ils ont fait pire qu'une collector pour Luigi's Mansion 3. Ouais. Ils ont dit. Je veux dire, tous les jeux, là, les Spider-Man, enfin les hits PS4, là, les Spider-Man et God of War, ils sortent tous en édition normale, édition limitée, GOTY, je sais ce que tu veux, enfin pas GOTY, mais édition limitée avec un artbook, ou l'édition collector. Ils ont tous ce schéma-là maintenant, mais tous. C'est ça, c'est ça. Enfin, après, l'autre problème, il y a même des jeux indés qui ont des éditions collector. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Il y a des boîtes qui se spécialisent uniquement dans les éditions collector. C'est ça, ouais, Limited Run. Et je veux dire, mais et puis les jeux japonais maintenant aussi, souvent les petits jeux japonais qui vont pas des gros, qui vont pas faire des ventes colossales par chez nous, même s'il y a un public quand même en Occident. Placé, je veux dire, mais ils ont tous une édition collector. Mais alors, c'est là, par contre, il faut les chercher. C'est des boîtes comme Nippon-Ichi Software Europe qui les vendent seulement, donc il faut acheter en boutique en Angleterre. Mais c'est les collectors officiels qui existent. Mais tous les Disgaea, tous les jeux, tous ces jeux-là sortent tous en édition collector si on le veut, quoi. Bah, t'as les jeux Toho, hein. Voilà. Ils sortent même eux en collector, alors que c'est quand même super confidentiel, hein. Du coup, c'est il y a. Ouais, c'est le jeu standard devient presque. Bah, c'est une aberration maintenant, le jeu standard. Ouais. L'autre problème que ça pose, enfin, je vais faire un trait d'humour, mais même si c'est vrai, c'est un point de vue écologique. Je suis désolé. C'est merde, en fait, une fois, comment dire, que le jeu est plus en vente, que les gens se lassent du jeu et qu'ils se retrouvent chez eux avec un carton. Ça finit par être vendu dans un magasin dans lequel ça va être stocké pendant des mois, voire des années. Combien vous pouvez voir dans les boutiques indépendantes qui reprennent ce genre de trucs, des collecteurs de Call of Duty et tout machin, c'est, ouais. C'est terrible. C'est terrible. D'ailleurs, Call of Duty, ils fait très très fort au niveau des collecteurs what the fuck, hein. Entre les lunettes de vision nocturne pour monter en puissance, Call of, ils sont allés très très loin. Les lunettes de vision nocturne qu'on retrouve là pour la prochaine d'ailleurs. Oui. Les lunettes de vision nocturne. La voiture thermique radiocommandée. Avec des douilles aussi. Ah oh, mais moi c'était les lunettes thermiques là, je sais pas quoi. Oui. Oui bah oui. Ben, elles reviennent dans le futur collector là qui arrive. Oh là là, c'est terrible. Vision nocturne. Enfin, elles reviennent un modèle différent mais. Mais alors il y a une énigme que j'aimerais élucider parce que je sais. Pour revenir sur une collector d'un jeu DS, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y en a quelques-unes. Oui. Ouais. Zelda Spirit Tracks. Oui. A eu une collector dont je suis incapable de dire si elle est sortie en France ou pas. Avec les figurines, moi je les ai déjà vues, mais pas parce la collector. Il se trouve que moi, je suis allé à mon Micromania, j'ai précommandé le truc. Et il m'a dit, bah tiens, vu que tu avais précommandé le truc, tu as le droit à une figurine voilà. Zelda. Oui. Link. Ah non, dit... C'était Spirit Tracks ou c'était. Spirit Tracks. Une figurine Link. Et après, ils m'ont dit, et vu qu'en plus on te connaît et qu'on t'aime bien, on te file aussi la figurine de l'armure parce que voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que j'ai appris, mais beaucoup plus tard, des années plus tard, qu'en vrai, c'était sorti dans un pack collector, tout ça, avec une boîte en métal dans laquelle il y avait le jeu, les deux figurines et tout, qui était vendu. C'était une édition collector, mais qui apparemment n'était pas vendue en France ou alors. C'est, alors, je réponds à ta question, c'est vendu uniquement au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Alors okay. Que derrière cette boîte en métal, t'as tous les avertissements dans toutes les langues européennes. Ouais, ça veut pas dire grand-chose. Non, mais c'est ça, et c'est un mystère que je... Pourquoi ils ont fait alors. Ça et derrière la boîte en métal, en fait, t'as toutes les indications, tu sais, des normes de sécurité, et donc en français, en allemand... En anglais. Ils sont super mignons en plus ces figurines-là. Mais je les ai en fait, mais. Et c'est une bizarrerie comme ça de Nintendo qui alors, gère. Alors là, c'est bien parce que là, on commence à toucher un autre problème aussi encore plus délicat, les collecteurs qui dépendent des pays en Europe. Ouais. comme je disais tout à l'heure, là, tu sais, avec les collecteurs de Nippon-Ichi Software, ils sont anglais aussi. J'ai l'impression que c'est l'Angleterre qui a tout. Donc si voilà, si tu reprends le lien que j'ai pris tout à l'heure de Palais Zelda et que tu continues à scroller un peu vers le bas, tu as effectivement un visuel de cette édition de Spirit Tracks. Et un tout petit peu plus bas, on voit donc les premières éditions limitées, enfin les éditions limitées DS de Zelda qui sont sorties, les DS Lite à l'époque, à savoir la dorée qui est sortie uniquement en Amérique du Nord. Et si vous voulez la dorée en Amérique du Nord, la plus difficile à trouver, elle existe avec un packaging en français qui est sorti qu'à Québec. Éclatez-vous. Et super. Il a existé une seconde collector Phantom Hourglass avec une DS grise, avec un Link floqué et le logo, qui est sorti uniquement en Angleterre à 1500 exemplaires. Ah oui. Mais non numérotée. Aucune des deux n'est numérotée. Voilà. Toujours via le lien que j'ai mis tout à l'heure du Palais Zelda. Vous avez tout ça qui est indiqué. Puisqu'on est dans le podcast du collectionneur aussi, je vais signaler rapidement une dernière édition limitée, à savoir ma préférée, le jeu le plus rare sur Nintendo 3DS en Europe, en édition limitée. Je vous mets le lien eBay au cas où vous auriez un peu trop d'argent. 50 exemplaires, faites-vous plaisir. Non merci madame. Non merci. Ça s'appelle Senran Kagura 2 Deep Crimson. Non merci madame. Senran Kagura. Et pour ce tarif-là, elle est vendue 700€ avec certificat d'authenticité, vous avez un tapis de souris avec les assez boules, merveilleux. Avec les bouges, ouais. Effectivement. Voilà. Ouais, mais... Ah bah, c'est pas Kagura. Hein, ça c'est rien, Cap Silver l'a dit dans le chat, hein, le collecteur avec la voiture, hein, celui qui bat tous les records et qui d'ailleurs n'a jamais été acheté. Hein. On reparle de Saints Row 4. Saints Row 4. Alors, je vous explique. Saints Row 4, collector 1 million de dollars. C'est son prix de vente, hein. Il y en avait qu'une seule. T'avais le jeu, quand même, avec les DLC. Oui. T'avais un voyage au Virgin Galactic Tour, mais je sais même pas si ce truc est... C'est fait, en fait, en plus. C'était un voyage dans l'espace, hein, c'est littéralement. Mais je sais pas si... Non, j'ai pas l'impression. C'est encore d'actualité ou pas, enfin bref. T'avais des répliques, des flingues, t'avais une voiture, donc c'était une Lamborghini Gallardo. C'était marrant parce que t'avais une Lamborghini Gallardo et t'avais aussi une Toyota Prius. Ouais. Mais il y avait aussi l'Audi R8 FF15 Collector. Oui, non, mais enfin voilà, mais là c'est. Non, mais 1 million de dollars, personne l'a acheté. Tu sais, d'habitude, on dit toujours qu'il y a toujours quelqu'un pour acheter. T'avais une nuit à Burj Al Arab aussi, là, à Dubaï. Là, c'était une semaine à la. Avec une suite royale à cet hôtel. Après, c'est là que je suis plus d'accord. C'est-à-dire que là, on ne parle pas d'édition limitée ni de collector, on parle de coup de pub. Oui, c'est ça. Le truc, c'est que là, la différence avec l'édition collector dont on n'a pas l'avant, et notamment la Senran Kagura, était réservée à une poignée de fans du jeu qui voulaient cette édition limitée-là et qui pouvaient l'acheter directement sur le site. Oui. De l'éditeur et du distributeur, où le jeu était vendu à un tarif normal, juste à une poignée de fans. Et pas, je veux dire par là, une collector qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros parce que justement elle te fait acheter plusieurs centaines de milliers d'euros de trucs, enfin ça n'a pas de sens. C'est pas vraiment une collector, c'est. Ou alors au contraire, ça pousse jusqu'au bout l'idée de la collector, à savoir mettre énormément d'argent pour juste un truc qui montre que tu, prêter un serment d'allégeance à une licence et au point que tu veux avoir tout. Ouais, voilà, je veux dire, il y en a qui sont complètement fans d'un truc. Et c'est là où j'en viens, justement, à ce que je disais au début. Si à un moment, moi, j'ai pu être particulièrement excité d'acheter des éditions collector en me disant que j'achetais quelque chose qui était réservé aux fans et limité à... Et justement produit à peu d'exemplaires. Le problème, c'est que l'explosion du nombre d'exemplaires, couplée justement à la multiplication folle des collectors, fait qu'aujourd'hui, je suis vachement moins emballé. Ouais. Après, je veux dire, c'est pas moins, plus rare en réalité, c'est même le contraire. Mais les gens se jettent dessus quand même. Hein. Je veux dire, on le voit. Parce qu'ils se jettent dessus, on en a parlé un paquet de fois, surtout les revendeurs qui se jettent dessus. Oui, oui. Et là, ce qui est en train de se passer ces derniers temps, avec justement pour cette fin d'année, c'est très intéressant. On voit Nintendo et les revendeurs qui ont enfin trouvé un moyen de couper l'herbe sous le pied des revendeurs, Oui, en faisant du stock, du restock. En faisant de temps en temps, hop, restock, hop, Oui, restock, voilà. hop, restock. Oui, Résultat, je sais bien. les revendeurs sont fébriles, ils ont plus confiance, ils se disent que finalement, ils vont pas arriver à gagner de l'argent, donc ils lâchent le truc. Et c'est ce qu'on voit notamment avec la Fire Emblem. La Fire Emblem qui était plus dispo depuis des mois et qui, il y a 2 semaines de la sortie du jeu, est dispo chez tout le monde. Ouais, mais on voit quand même dans les commentaires J'ai de pas fait ça pour le Metroid, Metroid aussi. des La enseignes, des gens fameuse. qui. Le collector de la muerte, Metroid, comme l'a surnommé nos chers amis hamster joueurs à Chocobon Blanc, qui sont quand même en grande partie à l'origine des phénomènes d'engouement pour ces collectors totalement stupides et qui ont bien aidé aussi les revendeurs ces dernières années. Ce fameux collector, aujourd'hui, vous pouvez l'acheter sur eBay pour son prix normal, alors que soi-disant, il était introuvable. Oh, introuvable et aujourd'hui achetable pour son prix normal. Explication? L'explication, c'est que ces putains de crevures de revendeurs qui ont acheté tous les stocks, et ceux qui les voulaient, ils pouvaient pas les acheter. Bah oui, On parce va qu'on dire, ils voyait pouvaient les pas. Alors prix. non, attention, ils pouvaient pas les précommander. C'est ça, Mais il c'est se ça. trouve que, arrivé au day one, Ah, bah ouais. il y a eu plein de Ouais, mais monde qui ça a fait. empêche. Tout le monde a eu son jeu finalement, globalement, une grande partie des personnes ont eu leur jeu. Les autres qui l'ont pas eu voulaient pas s'acheter une collector de Metroid à 200 balles alors qu'ils avaient très bien vu que ça coûtait 80 balles à l'origine. Donc les revendeurs, ils l'ont eu dans Ouais, le cul. mais c'est pas toujours le cas. Hein. Moi, il y a des collecteurs que j'ai ratés, que j'ai pas pu avoir et qui sont pas abordables. Alors c'est un C'est phénomène franchement qu'on bien. ne trouve que chez Nintendo, moi, parce qu'il y a vraiment des collectors que tu trouves plus jamais nulle part. Mais oui, clairement. Voilà, moi, il y a un Fire Emblem que j'ai raté, j'ai les boules, quoi. Tu sais, je le retrouverai pas. Hein. C'est. Voilà. Mais pareil, de la même manière, on l'a vu, c'est vrai que le coût des reventes, on a vu ça notamment sur les NES Mini, ou Ah voilà, enfin, ouais, ou non, mais sur pas là, sur les sur les Amiibo à une Amiibo. époque. Les Amiibo, Amiibo, oui, oui, bien sûr. Ah, c'est Oui. bizarre, on n'a pas vu ça pour la PS1 mini, je me demande pourquoi. Parce que c'est de la merde. Ah Ouais, ouais, c'est oui. mince. Non. Non. Mais non, mais c'est vrai, parce que finalement, quand un truc est vraiment merdique, les gens se l'arrachent pas non plus. Hein, c'est. Consommateur Le problème, là, à. c'est que il faut qu'il trouve, je suis, il y a, le collector est là normalement pour satisfaire quelqu'un qui est fan d'une licence et qui a Oui. envie de dire j'aime cette licence au point d'acheter des goodies qui vont autour parce que j'ai envie de les exposer chez moi pour montrer que j'aime cette licence. Oui. Oui. Après, ça Il y va a pas eu ça. une trop grosse récupération. Oui. Les gens se sont beaucoup trop organisés autour de la revente ces 5-10 dernières années. On va dire ça s'est beaucoup trop organisé. Les réseaux se sont considérablement organisés. Exactement comme se sont organisés les réseaux ces 20 dernières années pour revendre notamment les places de concert, où Oui. aujourd'hui c'est un vrai business avec pignon sur rue, où vous avez des sites malveillants qui vous vendent des places de concert, le prix de la place de concert en façade, qui vous font payer des centaines d'euros de frais de dossier derrière pour justifier le fait qu'ils ne vous vendent pas la place plus chère que son tarif de façade et que donc ils sont toujours dans la loi. Et qui ont littéralement des salles entières avec plusieurs ordinateurs connectés en simultané pour prendre des places de concert au moment où elles sont mises en vente. Il y a plein, voilà, il y a plein de choses qui font aujourd'hui que il y a le enfin, tout le système qui a été mis en place, notamment le fait de ne pas payer, de pas devoir avancer l'argent au moment où on réserve un collector, fait aussi que. Les gens ont plus facilement envie de réserver, entre guillemets, quitte à lâcher finalement la réservation au dernier moment. Et quand on voit aujourd'hui un géant comme Amazon commencer à dire, alors, il se pourrait que d'ici quelque temps, on décide que ben, on va vous prendre l'argent aussi au moment de la réservation. Enfin, Ouais. les choses vont être amenées à bouger aussi. Peut-être qu'on va revenir à des versions collector pour les fans finalement. Mais surtout Non, mais qu'en après, plus, faut t'avais pas oublier un. certains magasins qui font des versions collector que pour eux, genre Micromania. Oui. Après, une chose qui pourrait être aussi intéressante, c'est que l'éditeur ou le développeur vend directement les collecteurs depuis son site et qui mettent en place un système, à savoir un par foyer, voilà, et qui vérifie le truc, pas comme nos amis de. Comment ils s'appellent déjà Limited Run? Eh Voilà, ben, ça, hey, je vais dire un eux, j'en truc. peux plus. Hein. C'est à chaque fois que j'en entends parler, j'ai envie de dire, bah, écoute, si t'es pas content, achète pas là. Puis fais pas chier, Je vais c'est des cons, quoi. Puis te dire c'est un nul. truc, chou. Ce que tu décris, c'est ce que fait Square Enix. Ah ben, écoute, s'ils le font et que ça marche, j'ai envie de dire tant mieux pour eux, Y quoi. a un autre souci avec Square Enix, par contre, c'est Les prix. que le prix de leur collector, Ouais. la vache. Ouais, bon. Ouais, mais par contre, oui, alors c'est vrai que c'est les plus chers, enfin parmi les plus chers, parce qu'il y a toujours plus cher. Mais J'ai pas beaucoup plus cher en vrai. Hein. Bah, je dire... des trucs bien particuliers. C'est le FF7 Bandai, hein, le collecteur Dark Souls aussi, hein, voilà. Bah, c'est il y en a des plus chers. Je veux dire, ceux de From Software, par exemple. From Software, bien sûr. Des prix comme ça. Hein. Je ouais, dire, mais, alors, mais alors From Software, par contre, c'est des vrais collecteurs qui proposent les mecs. Mais, hein. Mais c'est ce que je voulais dire. Mais Square Enix, c'est quand même des collecteurs pas dégueulasses non plus. Hein. Non. Mais il y a quand même un côté un peu plus gros volume. Et bon, le drive pour moi, enfin, celle d'FF15, par exemple. 300 euros. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est ça dépend. Par exemple, celle des avec les players de Kai et tout, ça va, c'est de la bonne qualité. Si on aime les figurines articulées, bien sûr. Après, ça c'est un autre débat. Mais c'est vraiment de la bonne qualité la figurine. Il faut bien comprendre que quand t'achètes ta collector, t'achètes pas le. C'est ça, les gens souvent ils te foutent de ta gueule quand t'achètes une collector parce que t'as acheté le jeu 300 balles. Non, j'ai pas acheté le jeu 300 balles. J'ai acheté le jeu, l'OST. Plus une figurine articulée qui en coûte déjà 200 balles à côté. Enfin, oui, c'est ça, les playarts de Square Enix coûtent très très cher à la base, hein. c'est clair. Après, il n'y a pas que les playarts, hein. Par exemple, c'est, je pense au collector de FF12 avec les petits bustes des. Ouais. Des... Bah, ça, par exemple, c'était très cher. Celui-là, je trouve. Ça, c'était très cher. Ouais, mais alors je le trouve qualitativement absolument génial, sans déconner. C'est un de mes préférés. Parce que bon, vous l'aurez compris peut-être, hein, je devrais faire une chaîne qui teste que des éditions collector. Je suis sûr que personne ne l'a jamais fait. Ça marcherait très bien sur YouTube. Peut-être. Ouais. Non, je déconne. c'est Benzaï qui l'a déjà fait. Mais oui, j'achète beaucoup de collector et Square Enix, leurs tarifs sont hauts par rapport à ce que tu peux voir à côté, hein. Qualitativement parlant et tout. Mais non, mais je voulais dire en plus, il y a une espèce de truc avec les collectors. Si t'avais un espèce, là encore, un espèce d'effet boule de neige qui fait que. Vu que tu sais que certains sites gèrent mal leur stock, ont de la merde, que tu vas avoir des revendeurs qui vont par milliers acheter des jeux sur différents sites et tout, tu vas précommander ta collector à, je sais pas, chez Amazon, et puis pour être sûr que tu l'as, tu vas aussi la précommander à la Fnac, et puis pour être sûr, tu vas la précommander chez Cdiscount, et au final, bah du coup, effectivement, il y a une pénurie. Vu qu'en fait, il y a 3 mecs qui ont commandé leur jeu sur 200 sites différents. Et ça va au-delà. Micromania l'a compris. Ça va au-delà de ça aujourd'hui. Les Français vont même commander des éditions en Allemagne, en Espagne ou en Italie. Mais oui ouais. Ouais, et en Angleterre aussi, tu vas sur Zavi, tu peux avoir tes, c'est ça. Tes collecteurs assez facilement. Hein. Et des fois, même. Mais je crois qu'on l'a tous fait, même ici en réalité. Plus ou moins, oui. Bah, Beyond, non. À l'étranger, jamais. À l'étranger, non, jamais. Par contre, effectivement, il y a une collector que j'avais commandée sur deux sites, mais je sais plus c'est laquelle. Mais c'est parce que je m'étais fait enfler, justement. Et j'ai pris un coup de panique à la con. On a tous mis une réserve ailleurs, je le sais quand même. Une réserve ailleurs, oui, mais pas à l'étranger. Mais ce que tu dis, oui. Bon, Bozdi, je suis axié, c'est pas. Micromania ne prend pas les sous, ne te prend pas les sous au moment où tu commandes sur Internet. Tu es débité de l'intégralité de la somme et c'est une société tierce qui garde l'argent jusqu'au moment où Micromania fait l'envoi et là ils font la bascule pour leur donner monopole des collecteurs. Pour Yakuza 6, ça a été fumant. Hein. Et pour Yakuza 6, voilà, ils ont réussi à avoir le collector qui, soit dit en passant, a beaucoup chuté en tarif parce que bon, c'était Yakuza 6. Oui, moi, après, moi je l'ai acheté parce que je voulais absolument, parce que je suis fan de Yakuza. Oui, là par exemple, en termes de qualité, là pour le prix, elle était, mais. Pour moi, Yakuza 6, c'est le prototype même de la bonne collector, quoi. C'est-à-dire, t'es dans le thème du jeu à 100%. C'est l'une des rares que j'ai acheté plein tarif. C'était. Le tarif était bon, le goodies était pertinent, unique. Oui. Unique. Ouais. On peut expliquer quand même ce que c'était. C'était des verres à whisky, je crois. Verres à whisky. C'était verres à whisky. Des glaçons aussi. Avec les rocks pour éviter justement de diluer votre whisky. Et des sous-verres et les verres donc avec les tatouages de. Voilà. Avec l'univers, c'était comme tu dis. 80 €, il y avait un steelbook avec. Et il y avait un steelbook, ouais. Et un artbook. Et un artbook. Un petit artbook par contre, ça c'est. Et le jeu, on peut le dire. Et le jeu, putain, il y avait le jeu. Il y avait le jeu. À 80 €, effectivement, tu te sens pas floué. Ah, mais clairement, c'est clairement. Après, c'est le truc, c'est effectivement disponible uniquement chez Micromania. Voilà. Mais voilà, comme tu dis, je suis d'accord, c'est le bon collector. Ça. Ah ouais, tu peux pas faire mieux, quoi. Le problème, c'est que, comme tu dis, voilà, les gens font des préco de sûreté, entre guillemets. Mais ça, c'est tant qu'on ne le débite pas. Parce qu'on voit bien chez Micromania que. Oui. Chez Micromania, eh bien, là, ça tient beaucoup plus longtemps que chez les autres parce qu'ils sont obligés d'arranger les sous. Et bon, c'est une solution comme une autre. On voit qu'Amazon aujourd'hui, donc Amazon, il y a des gens qui ne sont pas débités, il y a des gens qui sont débités 5 jours débité, après la préco. Ça dépend. On ne sait pas trop comment fonctionne Amazon parce qu'ils sont toujours aussi opaques. Mais en gros, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. À côté de ça, à l'autre extrémité du spectre, on a la Fnac qui fait absolument totalement n'importe quoi. Ah oui, alors big up à la Fnac pour le coup de. Au fait, on rajoute un goodies en plus, mais si vous le voulez, vous devez annuler votre préco pour en refaire une. Attends, mais c'est pire que ça. Enfin, c'est pire que ça. Là encore, ça va maintenant. Par exemple, quand j'ai acheté Smash l'année dernière, c'était « Ah, au fait, on sort un goodies le jour de la sortie. Vous l'aviez préco sur Internet ?» Bah, c'est pas grave, vous l'avez pas. Et là, t'es « Ah ouais, d'accord. C'est pas mal. C'est gentil, ça. » Des belles petites crevures. Alors, outre le coût des goodies qui ne sont pas présents pour l'édition collector Coucou Zelda, là, on a récemment donc Demon X Machina, le CD avec les extraits d'OST, maintenant est disponible avec la collector. Ouais. Donc, si vous aviez réservé la collector, il faut re-réserver la collector avec l'OST et annuler l'autre en espérant qu'il y en ait toujours. Bah oui. Ce qui n'a aucun mais sens. Je peux pas arrêter ce système des précos folles en agissant comme ça, quoi. Ouais, bah oui, parce que là, c'est débile, parce que forcément, quelqu'un qui veut absolument l'OST, bah, il annule sa préco et il repréco une deuxième. Même d'ailleurs, dans le doute, ce qu'il fait, c'est qu'il préco les deux. Parce que des fois qu'il est. Parce qu'en plus, le temps que tu annules ta préco et que tu en repréco une autre, ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui va. Oui. Donc, tu sais, tu commences à psychoter un peu comme ça en mode oulala. Le temps que j'annule le truc et je recommande le truc, il n'y en a plus. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il conseille de faire une nouvelle préco et ensuite d'annuler celle qui. Mais du coup, en termes de gestion de stock, ça devient n'importe quoi. Globalement, le site de la Fnac est vieillissant en termes de. Enfin, tu peux pas. C'est compliqué. Ouais. Tu peux pas changer d'adresse de livraison. Tu peux pas. Le truc, c'est que en fait, c'est même pas un problème. Enfin, ils s'en foutent au niveau de la gestion du stock, puisqu'elles se sont eux. Ils voient, ils reçoivent leur stock, ils voient combien ils ont de personnes qui ont préco et ils balancent. Enfin, je veux dire, en gros, avoir des gens qui préco, qui annulent, qui préco, qui réannulent tout le temps, ils s'en foutent. Comme si ça n'existait pas, comme si ça n'avait aucune importance. Ouais, c'est... Ouais, bon, Mais le problème, c'est que ça fait du mal après à la façon de fonctionner des ventes des collecteurs, puisque oui, justement, ça rend les gens psycho complets. Et avec le fait de devoir, comme on a dit, mettre des alertes maintenant pour pouvoir être prévenu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce que personne ne dit quand ils vont ouvrir les préco. Mais pour qu'ils fassent des collecteurs à chaque jeu maintenant, c'est qu'ils voient bien que y a énormément de gens qui les veulent, ces trucs-là. Ah mais ça se vend, ça se vend très très bien. Ça se vend quand même de mieux en mieux, en fait, ces objets-là. Alors oui et non. De mieux en mieux, je sais pas, ouais. Vraiment. Moi, parce que le truc, c'est que c'est ça qui est génial, c'est autant il y a des collecteurs qui vont se vendre, on l'a vu sur des jeux qui ont beaucoup marché, comme Nier Automata ou Horizon, effectivement, les collecteurs ont rapidement été écoulés, autant il y a d'autres jeux qui vont se retrouver dans les magasins à prendre la poussière. On l'a vu avec la Watch Dogs 2. Watch Dogs 2, je l'ai eu grâce à toi, et à un prix ridicule. On le voit notamment avec l'Assassin's Creed, on l'a vu avec la Yakuza, qui est resté beaucoup en magasin, on l'a vu avec les collecteurs Resident Evil 7, bon, où il n'y avait pas de jeu dedans. Micromania, c'est un petit peu un labo de ça, c'est ça qui est très intéressant chez Micromania, c'est que tu peux voir. Parce que moi, étant régulièrement au magasin, tu passes au magasin et tu vois, il y a dans le magasin un endroit, il y a une pile où il y a des gros collecteurs empilés qui restent là des années. Mais Resident Evil 7, c'était pas la collector avec la maison en papier mâché, non ? Si, où il y avait un briquet en forme de doigt, je crois, un truc comme mais ça. C'est peut-être une surproduction à ce niveau-là, mais ça ne veut pas dire que les gens en veulent de moins en moins. Les gens se jettent dessus quand même. Quoi. Enfin, j'ai l'impression quand même. Ça va dépendre des jeux, c'est comme d'habitude, ça va vraiment dépendre des jeux et de ce qui est proposé dedans. Je pense que par rapport au volume global de vente d'un jeu, c'est très peu, c'est rien, collector. Genre, on dit Watch Dogs 2, la collector, elle a fini à 20 balles, ça veut pas dire que le jeu a pas marché, le jeu a extrêmement bien marché. Je peux dire la même chose avec Dark Souls 3, quoi. T'as vu à combien ça se revend une collector ? C'est du délire. Oui, mais il y a eu très très peu d'exemplaires. Je sais pas. C'est très limité. Et une communauté assez. Et le pire, c'est Bloodborne. Regardez combien souvent un collector Bloodborne, c'est 600 balles, hein, minimum. Bah ouais, mais parce que c'est des trucs qui ont été distribués à très peu d'exemplaires. Et la communauté, comme le dit Bosdick, elle est investie. Énorme, elle est vraiment investie. Ah, énorme, je sais pas. Mais elle est très investie. Les Soul, c'est super. Si, les Soul maintenant, c'est pas des jeux de niche. Hein. Je dirais pas qu'ils sont énormes, je dirais qu'ils font beaucoup de bruit. Mais c'est un autre débat. Ouais. Mais par contre, ils sont investis. Mais ils sont fidèles. Ils sont fidèles à la marque. Si tu as 10 personnes qui gueulent, t'as toujours l'impression qu'ils sont 100. Hein. C'est normal. Oui, je sais bien. Dark Souls, Dark Souls, c'est particulier parce que la communauté, elle est là. Donc oui, Yakuza 6, ça s'est pas vendu, mais parce que le jeu reste quand même un jeu de niche. Alors justement, je voulais conclure là-dessus parce que c'est là que c'est intéressant, c'est que finalement, on a parlé de collector, mais on n'a pas parlé véritablement de jeu. On n'a pas parlé de la collector de Mega Man X4 sur Saturn et PlayStation. Ouais, mais c'est de la merde. Le truc, c'est que le jeu, enfin, au départ, notre raison là, d'être là, de parler et tout ça, c'est le jeu vidéo. C'est de jouer à un jeu vidéo et d'éprouver des choses en jouant à un jeu vidéo. On sort totalement de ce cadre. Et c'est là justement que je voulais juste en conclure sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ça, je voulais en venir là. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de collecteurs. Il y a des collecteurs qui sont vendus avec des goodies. Il y a des collecteurs qui ne sont pas des collecteurs, qui sont juste comme fait Ubisoft, des versions gold, où on vous vend le jeu avec un season pass, où on va vous pré-vendre, entre guillemets, moins cher, tout le contenu additionnel du jeu qui sortira l'année suivante. Finalement, moi, aujourd'hui, j'ai fini par arrêter d'acheter des collecteurs Assassin's Creed avec des statuettes, surtout lorsqu'on commence à sortir des statuettes à 1000 euros, hein, coucou Ubi. C'est quoi, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, j'achète des versions gold où j'ai le jeu, le season pass, et où finalement, bah, ce qui est plus important pour moi, c'est de jouer au jeu. Et le reste... Oui, mais après, les collecteurs, le jeu est le secondaire. Quand tu vois des collecteurs sans jeu, c'est très bien pour les éditeurs, quand ils font une collecteur, le jeu, sans produit d'appel. Il faut pas que les gens se sentent mal parce qu'ils achètent pas de collecteur, parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est jouer au jeu. Mais clairement. Mais vous savez que j'ai mis du temps à comprendre cette histoire de collecteur sans jeu, mais je l'ai enfin comprise. Pourquoi ils faisaient ça? Et c'est tout con, hein. C'est que pour ceux qui achètent les jeux que en démat, ils achètent aussi la collecteur, en fait. Bah oui. Alors, il y en a, ils ont trouvé une autre astuce, c'est ils te mettent un code de jeu dedans. Mais là, les gens ils râlent parce qu'ils disent oui, mais à ce prix-là, on pourrait avoir le jeu en physique et tout. Du coup, ils se sont dit, on vend une collector sans jeu et les gens peuvent acheter comme ça le jeu en physique ou pas s'ils veulent. Ouais, mais alors justement. Pour moi, c'est pas une collector, c'est des goodies vendus à part. Mais bon. C'est ça, ouais. Mais alors justement, en le mettant en parallèle avec le jeu en dématérialisé, c'est comme l'opposé, hein, sortir un jeu en collector dans la démarche. Après il y a aussi eu entre guillemets des choses qui moi personnellement me sont restées un peu en travers de la gorge, à savoir les collecteurs de beaucoup de jeux sur Wii U, où en fait le qu'est-ce que t'as de collector, tu as une boîte en carton qui est collector et tu as un amiibo que tu aurais pu acheter à part à côté. À partir de là, je me suis dit, ok, ça commence à être bien de la merde, ces trucs. Il va falloir commencer à regarder un peu sa façon de consommer. Collector de Project Zero, Wii U. Oui. Qui est une boîte en carton avec un artbook, effectivement, qui coûtait quoi? Quasiment 80 balles. Mais qui était en plus super dur à trouver. Et qui aujourd'hui est en train de monter, comme la petite. Ah, mais je suis content d'avoir mon exemplaire. Moi. Je suis content d'avoir celui-là. C'est ça qui est terrible. C'est vrai que le concept de mettre un amiibo avec le jeu, ça t'appelle pas vraiment ça une collector. Ouais, ils ont fait ça pour Smash Bros. Mais tu sais que Chou, c'est pour ça que moi j'avais revendu. Captain Toad aussi. J'avais revendu. J'avais renvoyé ma collector de Kingdom Hearts. Ouais, justement, parce que. C'était t'avais une boîte du jeu, à côté t'avais une boîte des figurines, en mode c'est deux trucs distincts en fait, c'est pas des collectors quoi, c'est... Oui, mais tu sais que le FF7 Remake, ce sera la même chose. Et ouais, mais par contre là, la figurine sera pas trouvable. Enfin, ah bah là, on verra. Oui, voilà. Non, ah et puis alors, c'est là où je voulais en venir. C'est FF7 Remake, tu as quand même un intérêt flagrant et énorme à acheter la version collector à 300 balles. Tu as quand même une invocation en plus dans le jeu, s'il te plaît. C'est vrai. Ça me fait dire. Le concept des contenus numériques supplémentaires, ou d'ailleurs aujourd'hui, et alors là, par contre, on rit jaune parce que je les aime tellement, ils sont, enfin, c'est vraiment des développeurs que je déteste, et je déteste ce cynisme et d'arriver comme ça, comme les chevaliers blancs. Mais quand il y a CD Projekt qui arrive aujourd'hui et qui dit Cyberpunk, vous savez, il n'y aura pas de contenu numérique particulier pour les éditions limitées. Oui, oui. En mode, tout le monde aura le même jeu. Comme, c'est triste d'en arriver là, mais, comme, ouais, mais des fois, tu sais, quand t'as IA qui dit ah, nous, nos prochains jeux, il n'y aura pas de lootbox dedans. Oui, c'est bien, tu veux une médaille oui. C'est normal, mais du moment qu'il commence à se justifier, tu te dis que ça pue, ouais. Ça devrait pas, ça devrait être normal. Bah, après, ce sera aussi l'occasion de peut-être d'un autre podcast sur tout l'aspect putassier de cette industrie. Mais moi, comment dire, un jeu où il y a du lootbox dedans. Tu peux être sûr que le jeu, c'est mort. Non seulement je n'y jouerai pas, mais je ne veux même pas en entendre parler. Ah, pour avoir entendu des dizaines d'histoires autour de moi, notamment une mère de famille qui s'était retrouvée, mais sans rire, limite ruinée par son gamin qui n'a pas vu le truc venir parce que pour lui, c'était du virtuel. Ah ouais. Et qu'elle, ne sachant pas du tout comment ça marche, tu découvres un matin que tu as 800 balles en moins. Sur ton compte, ça vient de où? Ah, bah tiens, ça vient de là, d'accord. Et le gamin, entre guillemets, excuse-moi, mais à 8 ans, t'as pas conscience de tout ça, je pense. Hein. Non, mais après, les lootbox, voilà. ça se met partout. Quand tu vois que voilà. Même dans les jeux de sport, t'en as. Dans NBA 2K, ils ont commencé à en mettre. Voilà, donc je pense qu'un jour, on essaiera peut-être d'en parler, mais je pense que sur ce genre de sujet, je suis clairement pas objectif. Je veux même pas en entendre parler. C'est clair et net. En plus, régulièrement, ils te font des sorties en mode « Non, mais en fait, c'est pas de notre faute à nous. Hein. C'est les joueurs, en fait, qui ont un problème. Nous, c'est pas nous. Hein. » C'est un peu comme dire « Bah, écoute, c'est pas grave, en fait. Moi, je vends de la drogue, mais moi, c'est pas moi le problème. Hein. C'est ceux qui achètent, en fait. Hein. » Donc, EA, allez bien vous faire mettre. Voilà. S'il y a bien un éditeur et un développeur que je hais du plus profond de mon âme, c'est bien Electronic Arts. Je les supporte pas. En même temps, je pense qu'ils sont aussi les plus détestés dans cette industrie, hein. À juste titre. Ouais, ils reçoivent chaque année le titre de pire entreprise aux États-Unis depuis quelques années, je crois. Bah non, peut-être c'est pas cette année, je crois. Bon. Ils l'ont pas eu cette année, tu crois ? Enfin, non. Bon, pour terminer sur une note un peu plus positive, un peu plus collector, le truc avec les collectors, et on l'a dit à demi-mot, c'est que on sait pas. On sait pas finalement. Qu'est-ce qui sera collector? Qu'est-ce qui va le devenir? Il y a des éditions dont on ne s'y attendait pas qui ont pris une valeur terrible, comme tu as dit, la Dark Souls 3, parce que finalement, personne s'en est soucié et il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a éditions qu'aujourd'hui on trouve facilement, que le fameux collector de la Muerte de Metroid 3DS, que maintenant ils trouvent facilement. On parlait des amiibo. L'amiibo le plus rare, vous savez lequel c'est? C'est le petit amiibo Box Boy sorti au Japon. Oui. Tout le monde s'en foutait quand il est sorti. Ben, ceux qui l'ont acheté, bien joué. Voilà. On ne sait pas. Et c'est ça qu'il y a de bien aussi avec la collection. C'est qu'il y a quand même encore une part de hasard aujourd'hui et une part de voilà. Après, moi, j'ai envie de faire une note un peu vieux con, mais je vais la faire quand même. Soyons honnêtes. Quels sont, bon, mis à part des choses très spécifiques, on a parlé des collecteurs Dark Souls. Dans tout ce qu'on a cité depuis le début, quels sont les trucs qui ont pris de la valeur? Ce sont les choses que les gens n'ont pas spécialement dit ça va prendre de la valeur. C'est des choses qui n'ont pas été conservées correctement. Alors, de là savoir, dans la génération de consoles actuelles, qu'est-ce qui va pouvoir prendre de la valeur et qu'est-ce qui va être conservé correctement, voilà. Ouh là là, attention, ce que je veux dire par conserver, c'est plus préserver. Hein, voilà. L'idée, c'est faites-vous plaisir, achetez les jeux que vous aimez et les constructeurs que vous aimez, et dans quelques temps, vous aurez peut-être de la chance. Lorsque j'ai acheté ma collector FF8 à l'époque, je n'ai jamais acheté la collector FF8 en disant dans 20 ans, je vais avoir une collection de jeux vidéo et ça va être une de mes plus belles pièces. Jamais. Je l'ai ouverte. Les collectors, on n'y a jamais pensé. Comme on a dit, j'ai joué au jeu, j'ai utilisé la carte mémoire, j'ai mis le t-shirt, j'ai affiché le poster dans ma chambre. Bah voilà. Oui. Je le fais encore maintenant. Je m'en fous. C'est ça. Bah ouais. Pour moi, c'est pas vocation à rester dans un coin. T'as un truc avec un t-shirt, tu mets le t-shirt. Moi, mes collecteurs, elles sont toutes ouvertes. Les statuettes, c'est ce qu'il faut. C'est pas compliqué. Le fameux collecteur qu'on a parlé, Formula 1 97. Je l'ai donné à un pote il y a pas longtemps qui est fan de Formule 1. Il est venu chez moi, enfin c'était encore à l'ancien appart. Il a vu la boîte, il fait ah oh, tiens ça existe. J'ai dit t'en veux. Bah, regarde, il dit ça a de la valeur, j'en sais rien, je m'en fous. Mais... Si t'en veux, tiens, prends-le. Voilà, il y avait la casquette, le t-shirt, le jeu. Voilà. Ouais, mais parce que... je me sens comme un extraterrestre, moi. Et l'autre, non, mais l'autre petit détail aussi, c'est surtout, s'il vous plaît, n'achetez pas les collectors d'une autre manière que officiellement au prix officiel. Voilà. Bah ouais, parce que ça. Ne les achetez pas sur le marché noir, ne les achetez pas à des revendeurs, ne les achetez pas sur eBay plus cher que ce qu'elles valent. Ne donnez pas de l'argent à des gens qui font ça exactement comme pour les concerts. N'achetez jamais, même si ça vous coûte, même si ça vous fait chier de louper un artiste qui passe près de chez vous, n'achetez jamais des places de concert à quelqu'un qui les revend plus cher que leur valeur. Ou alors, vous dites au gars rendez-vous à 14h à Répu. Et vous lui faites le coup de la balayette du 9-3, et puis voilà, et puis vous partez avec les tickets, et ça vous a rien coûté. Par contre, attention, le casier judiciaire, ça coûte cher quand même. Mais parce que, ouais, moi j'achète une collector, c'est pas parce que c'est un truc collector, c'est parce que dedans, il y a des trucs que je trouve sympas, ou que je veux exposer, ou voilà, et c'est pour je comprends les listes. Et c'est pour ça qu'en fait. Enfin, je ne l'ouvre pas, mais c'est pas du tout dans l'idée de m'en débarrasser pour plus tard, d'une plus-value ou de quoi que ce soit. Je n'ai jamais revendu quoi que ce soit. Mais c'est vraiment pour me dire, c'est mon petit trésor du jeu que j'adore. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je le laisse vraiment dans un coin, mais je suis content de l'avoir. Quoi. C'est con. Bah après, ça va dépendre des gens. Moi, je fais partie des gens, effectivement, qui pensent qu'il faut que ça vive. Quoi. Si j'achète un truc, c'est pour m'en servir. Non, mais c'est pas pour ça que je joue pas au jeu qui est dedans non plus. Hein. Je veux dire, je joue au jeu aussi. Bah, n'importe quoi. Tu joues à aucun jeu, toi. Il a cru qu'il allait laisser passer ça, tu sais, genre, n'importe quoi. Il joue à des jeux, il les finit juste pas, c'est tout. Mais c'est ça. Mais je veux dire, la figurine, de toute façon, qu'elle soit dans sa boîte ou dehors, elle vivra pareil. Hein, c'est dommage d'acheter effectivement quelque chose avec une figurine. Bah oui, je sais bien. Tu la laisses dans un carton. Mais après, non, mais je dis pas que c'est mal. C'est juste que moi, un t-shirt... Messieurs, il faut aussi relativiser quelque chose. Même si vous achetez, on a évoqué des collecteurs, des choses qui maintenant valent 800, 1000 euros. C'est un putain de jeu vidéo. Hein. Bah oui. Attention, hein, ce n'est pas une voiture des années 50 ou 60 qui a été restaurée. Ce n'est pas une Fender Stratocaster de début années 60. Ça reste un fucking jeu vidéo. Donc faites-vous plaisir. Même à la limite, si vous achetez une Stratocaster des années 60, bon, invitez-moi pour que je puisse quand même la voir et regarder un peu ses coutures. Mais jouez avec. Je veux dire, ce que j'ai envie de dire, c'est la vie, elle est courte. Si on commence à se faire chier, à avoir des complexes sur certaines choses ou machin, faites ce qui vous fait plaisir. Il y a des gens, ils sont pas contents. Bah, c'est bien. Moi, il y a un truc que j'appelle le bouton mute. Voilà. Quelqu'un qui gueule, moi, je suis pas content d'un truc. Bah, c'est bien. Vas-y, parle. Laisse-moi faire, laisse-moi gérer, laisse-moi faire ce que je veux, et puis voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. On va pas se prendre la tête. La vie est trop courte pour se faire chier avec des conneries. Hein. Et alors, sur le coup, on va laisser parler à Boss Dick de son jeu ou pas? Ah bah, moi j'ai pas avoir dit ça. Mon dieu! Quand même, on se rend. Ah, moi j'ai pas vu que les testeurs là. Ah, désolé. Bon bah non parce que là allez ça va c'est l'été c'est les vacances il faut que les gens soient en état aussi parce que moi je m'en fous je suis en vacances hein, mais vous bon, moi je suis à moitié bourré il est tard mais ça, ça va aller vite on fait ça va aller vite on va commencer ton temps tout va bien bon bah Once Upon a Time Bostik je vais vous donner quelques indices. Si je vous dis regard de poisson mort. Shenmue. Timan. Timan, oui. voyage en l'espace. Timan. Non. Regarde, c'est pas un Star Ocean, ça. Non. Claude François. Oh mon dieu. Alexandra. Pikachu. Et on va finir par créature mythique. Attends, mais ça fait un combo trop étrange. La bête du Gévaudan. Parce que j'allais sortir Chevalier du Zec, mais non, ça marche pas. Non. C'est un jeu Master System. Sirène du port. Bah, Master System, si tu trouves pas Beyond, tu renvoyé. Hein. Ah, non, mais alors par contre, c'est Claude François que j'ai pas. Et alors, ampoule, électricité, pain. Ben... Claudette. Non. Bah, ou sirène, du coup. Alors là. C'est un jeu de boxe. Oh non. Rocky. Oh oui, non. Bah oui. Mais non. Alors je l'ai pas, mais je l'ai pas, mais de plein de trucs. Hein. Barracuda, d'accord, ça y est. J'étais bien sur Alexandrie Alexandra. Je sais. Bon, Son regard de poisson mort, bah, c'est Stallone parce qu'il a un regard de poisson mort. D'accord, ok. Voyage en l'espace, bah, c'est Apollo. Apollo, ok, ouais. Putain la vache. Et Créature Mythique, c'est le dragon. Ah, on en est là, quoi. Présenter les jeux comme ça maintenant. Qui va d'accord. Oui. D'accord. Ouais, alors, je connais pas le jeu. Hein. Merci Perforas. Merci encore. Bon, oui, là tu viens de faire perdre tout l'argent à l'association là avec ta connerie. Hein, je vous en prie. Il va falloir plonger dans l'eau et hop. Oh là là, et c'est le jaquette en plus. Bon, vas-y. Non, je voulais vous parler de Rocky parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Oui, il est bien. C'est un jeu que tout le monde a oublié. Et c'est un jeu qui est sacrément beau pour la Master System. Ouais. Ah. Par contre, niveau gameplay, Alors, je regarde les images, moi je connaissais pas le jeu. Moi je connais, hein. Moi les jeux de boxe, hein, c'est mon bon truc. Tu peux te baisser, t'as deux boutons. Ouais. Et les musiques sont à chier. Ah oui, bien sûr. L'entraînement aussi contre le sac de frappe, il est mythique. Il est mythique. Ah, mais les musiques à Master System, ça n'a jamais été son fort. Hein, ouais, non, mais là, ils n'ont pas eu le droit à des musiques. Ouais. Donc, ils t'ont mis des trucs qui sont. Qui effectivement te donnent envie de boxer. Ouais, alors, mais problème, il y a un souci, t'as envie de boxer ta console, c'est ça le problème. Oui, mais aussi alors, ce qui m'a réussi avec ce jeu. La jaquette est dégueulasse, mais. Ah oui. Il y a Rocky dessus. Enfin, comment dire, le détourage est dégueulasse, mais au moins là on comprend ce que c'est comme jeu. Oui, enfin, voilà. T'as Rocky, t'as un cadrage de merde, mais t'as Rocky. Non, mais moi je voulais en parler parce qu'effectivement, c'est, enfin, un, jeu pas, là. Oublié. C'est un jeu qui est oublié, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais c'est un jeu qui est crapuleux. Parce que comme l'a dit Chou, il y a l'entraînement. Ah ouais, non, c'est immonde. Ça, c'est immonde. Et l'entraînement, bah, si tu y arrives pas. T'as pas mis la jaquette pâle, pardon. Je disais, le chat a besoin de voir. Ouais. Oui, j'ai mis. Et donc, sur le coup, hop, mais juste pour le plaisir, la jaquette Jap, même sur un jeu occidental, la jaquette Jap est plus réussie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah ouais, effectivement. Ah, tu peux leur mettre aussi une partie de la vidéo pour qu'ils entendent des musiques que tu trouveras facilement sur YouTube. Ah ouais, la jaquette Jap, elle est. Un long play. D'ailleurs, le thème d'intro du jeu, il veut rien dire. Non, mais rien. C'est phénoménal. Les musiques, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont justement pris des gants de boxe, un clavier. Et... ah, mais c'est ça. Ils ont fait une coluche. Oui, le temps des cerises, c'était pas ça qu'ils jouaient, coluche. Avec un violon. Violon, oui. Au violon. Le temps des cerises, ça m'a marqué, cette connerie. Ils ont fait ça avec un clavier, ça donne des musiques assez dégueulasses. Mais le jeu en lui-même, graphiquement, il est beau. Tu peut-être Sakuraba, quand. Il y avait un entraînement dessus. Tu sais, ça me rappelle le jeu sur GX 4000. L'entraînement était immonde. Vraiment immonde. Ah ouais. C'était injouable. C'était totalement. Bah, les entraînements étaient. L'entraînement, c'est appuyer sur un bouton pendant une minute ou deux minutes, je sais plus. Ah ouais. Et encore, alors... même avec ça, t'arrives à rater des trucs. Ah oui, non, mais c'est terrible. C'est terrible parce que, en fait, j'ai jamais compris s'il faut respecter un timing, moi non plus. Si c'est de l'aléatoire, si. J'ai jamais compris. Hein. En fait, je suis rassuré de ne pas être le seul à compris à cet entraînement. Mais rigolo, c'est qu'en fait, je me suis plongé dans ce genre de jeu qui sont les jeux de boxe il y a quelques mois. Je pensais faire un stream là-dessus. Et en fait, j'ai passé une soirée à déprimer. Je me suis dit, putain, en fait, il y a beaucoup de ces jeux, c'est de la merde. Puis en fait, je me suis dit, ah tiens, c'est vrai, il y a Rocky en fait sur Master System. Et bon. Heavyweight Champ, qui est très très bien sur Master System, que j'aimais beaucoup aussi. Il y a un truc que je comprends pas là, c'est que je vois donc le jeu, il y a trois adversaires. Oui. Ah oui, mais t'as les trois principaux en fait. Ah, mais c'est ce que j'allais te demander. Je veux dire, si ça reprend le jeu, c'est quoi tes ennemis alors? Bah, t'as Apollo. Le film, je veux dire. T'as Clubber Lang. Ouais. Et t'as Ivan Drago. Mais le problème, c'est que trois adversaires, genre, tu le finis en 10 minutes? Non, parce que Ivan Drago est quasiment impossible à battre. D'accord. Bah, il vient de te dire que tu pouvais pas passer l'entraînement de toute façon. Ouais. Écoute là. Mais non, mais je veux dire par là, c'est en temps réel de jeu. En vrai, bah, le jeu il est. Oui, non, mais si t'es fort, oui, sauf que... Potentiellement, ouais, potentiellement, tu le torches en un quart d'heure, on est d'accord. Je crois que j'ai vu une vidéo YouTube 7 minutes. 7 minutes, mais, 7 minutes, ouais. Mais le type, je sais pas comment il fait pour... J'essaie de regarder, tiens. J'ai jamais compris comment... Ah ouais, effectivement, ouais. Non, c'est un tas, ça. C'est un tas, ça. World of Long Play, on est sur du 18 minutes. 18, voilà. Mais Ivan Drago, c'est une vraie... D'accord, ok. Mais, oui, ok. Surtout quand t'es gamin, après, quand t'es adulte, peut-être pas. Parce que je veux dire, Punch-Out est connu pour sa difficulté légendaire sur la fin, mais le jeu est quand même nettement plus long. Ouais, légendaire, vite fait, un œil finit ses yeux fermés. Hein. Bon. Après, c'est Rocky, effectivement. Rocky, tu vas pas aller bien loin. Rocky, voilà. T'as 4 films. Dans les 2 premiers, il combat contre Apollo, et les 2 autres, ben... Le Burland. Ben Drago, donc, je pense qu'ils n'ont pas voulu faire de truc. Après, oui, graphiquement, je trouve terrible. Et surtout, ce qui est magnifique dans ce jeu, c'est que tu arrives à voir un mort-vivant qui t'entraîne. Et ça, vous n'avez jamais vu ça dans un jeu de boxe. D'accord. Vous connaissez bien Rocky ? Un peu. Vous vous rappelez de Mickey ? Ah bah oui. Mais je l'ai... Oui. Vous vous rappelez quand il meurt ? Dans quel film il meurt ? Je sais plus. Bah, normalement, il meurt dans Rocky 3. Rocky 3, ouais. Voilà. Sauf que là, quand vous battez Clubber Lang, qui est dans Rocky 3, qui est-ce qui vous entraîne ? Ah bah, c'est le Mickey. Donc, il t'entraîne avec son cadavre. Ah mais il est toujours là dans son cœur, c'est pour ça. Non, mais en plus, il est vachement fringant pour un mort-vivant. Non, mais je déconne. Après, le jeu, c'est un jeu que j'aime bien. Hein. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais j'ai revu Stallone la dernière fois son rire de poisson mort et je me suis dit... D'accord. Mais tu sais que visuellement, le jeu, en regardant les images, hein, je ne l'ai pas fait ton jeu, mais ça m'a rappelé un jeu de justement où il y avait une scène, des phases d'entraînement et puis une vue comme ça de ring sur le côté. Ça me rappelait Panza Kickboxing sur GX4000, qui était aussi sur Amstrad. Tu as connu ça, toi, Monsieur Chou ? Lequel, lui ? Les Panzas, oui. C'était pas super. Ah oui, je crois, mon Dieu. Oh là là là là. Ah, Panzas, moi, mais c'était pas un sale jeu. Bah. Ah, c'était très peu maniable. Le problème, ouais. C'est que quand tu regardes maintenant la vision de ce qu'était censé être. Je crois que c'est le jeu de kickboxing, hein. C'est bien ça, Pelle ? Oui, voilà. C'est ça, ouais. Quand tu vois ce que c'était à l'époque, la vision de ce sport et ce que c'est maintenant, tu ris. Franchement, tu rigoles. Hein. Ouais, tu dis, waouh, punaise, c'est. C'était très, c'est... très, très peu jouable. Bah oui, voilà. Ce jeu est très bizarre. Hein. Oui. Mais donc, c'était juste pour faire une similitude dans l'approche. Ah oui, bien sûr. Mais après, ils ont respecté. C'est ça le truc. Ils ont respecté le film. Tu reconnais les persos. Tu regardes, tu sais. Ah, lui, c'est Drago. Ah, lui, c'est Apollo. Rocky, tu le reconnais. Mickey, tu vois, tu fais. C'est bien. Oui. Donc, c'est un jeu qui casse pas trop patin à un canard, que tout le monde a oublié. Qui, je pense, ne doit pas coûter grand-chose à la collection. Non, rien du tout. Je l'ai acheté pour la collection, je n'avais jamais joué avant. Jamais. Je connaissais le jeu sans y avoir joué à cause de l'Angry Video Game Nerd, en fait, qui me semble le jeu apparaît dans une vidéo. Ah ouais, ça fait partie des jeux que j'avais sur Master. Je mets le lien sur Twitter, j'avais préparé l'épisode 16 du AVGN, un des tout premiers. Voilà. Voilà, bah ouais, effectivement. Non, je connaissais pas. Zik, hein. Bah voilà, bah si pour les tout à fait impatients, en achat immédiat, 20 balles. Voilà. Complet. Ouais. Et pour autrement dit, c'est le genre de jeu que tu trouves à 5 euros en brocante, personne n'en veut. Quoi. Oui. Oui. Ouais. Ah oui, non, mais c'est ça le truc. C'est malheureux à dire. Hein. C'est malheureux à dire. Parce que... connu, et pourtant, c'est... Il y a du potentiel en fait. C'est pas le pire jeu de boxe que tu peux trouver. Tu as Jamais de Bol l'a souligné. Tu as George Formal qui est au boxing. Mais j'ai eu. Putain, il y a pire. Hein. Je pense qu'on va pas en parler parce qu'il est tard. Mais voilà, c'est un genre de jeu en fait. Si tu dis s'il n'y avait pas les Punch-Out et s'il n'y a pas eu après les Fight Night aussi sur PlayStation qui sont très bien pas les mauvais. Fight Night. J'ai beaucoup joué. J'aime beaucoup. Si tu n'avais pas eu ça et puis aussi, comment il s'appelait sur Saturn le jeu de boxe un peu foufou là ? J'y vais, Ready to Rumble, voilà. Ah, sur Dreamcast, ah, oui. Ouais. Dreamcast, voilà. 64 PS. Si tu n'avais pas eu ça à un moment donné, les Punch-Out, les Fight Night et puis. À la boxe, et Rumble. Elle aurait fait la gueule, oui. Parce que ça fait la gueule, hein, c'est clair. C'est... Mais après, sur Master System, la Master System a eu des jeux de boxe aussi. Et VOH Champ sur Master System. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait même eu George Foreman qui a boxing aussi. Ouais. C'est Flying Edge qui l'avait porté, d'accord. Flying Edge, ouais. Et donc, voilà, deux jeux de boxe sur Master System qui sont loin d'être dégueulasses pour la machine. Des jeux auxquels tu t'amuses. Et Rocky, tu t'amuses. Après, ouais, Ivan Drago, ben, c'est le Ivan Drago que tu as connu dans le film. Tu le retrouves sur ton Master System et il te casse en deux. Et tu pleures. Parce que moi, j'ai jamais fini, hein. Mais bon, voilà. Je vous ai mis un peu d'étoiles dans vos yeux. Perfouras est venu vous dire que le jeu était bien. Voilà, j'ai retrouvé les deux jeux que auxquels je pensais. Tu as Foreman For Real sur Super Nintendo. C'est pas bien ça. Et sur Mega Drive aussi, il me semble qu'il est sur. Ah mon dieu! Ou je crois que c'est celui-là où à chaque fois que tu fais un coup, en fait, genre quand tu frappes au corps ou à la tête, tu as un commentateur, en fait, une voix digite qui te répète sans arrêt le truc. Alors quand tu fais trois coups au corps, tu attends body shot, body shot, body shot. C'est horrible, ah non, For Real, c'est pas ce jeu-là que c'est Riddick, ou alors c'est celui-là où c'est Riddick Bow Boxing aussi, je crois que c'est sur non, SNES. Je me rappelle du James Buster Douglas, l'un des premiers jeux de boxe en Mega Drive d'ailleurs, que j'aimais bien. Mais c'est terrible à quel point le genre est représenté. Non, parce que t'as quoi, le Holyfield Real Deal. Je connais pas celui-là. Qui était pas bien sur Mega Drive aussi, mais il y en a beaucoup. For Man est bien sur Mega Drive aussi, oui. J'aime bien les jeux de boxe en fait. Et celui où on voit son personnage en fil de fer là de dos. J'ai deux noms qui t'aimais ce genre-là. Celui, en fait. Oui. Celui en fil de fer, c'est lequel? Boxing, Legend of the Ring, un truc comme ça, non? Je suis quelqu'un qui aime bien les jeux de boxe effectivement. Et oui, avec les Fight Night, comme l'a dit Monsieur Chou, quand ils ont commencé à faire les Fight Night, et après sur PS2. Moi, c'est partie des jeux que je recherche actuellement, en fait, les Fight Night. Hein, parce c'est que des tueries. C'est vraiment des tueries en termes de. Toughman Contest. Ah, Toughman Contest. Toughman Contest. Je crois que j'ai jamais joué à un jeu de boxe. Ah, je l'avais oublié sur. Toughman Contest, oui, moi ça me dit quelque chose, mais je crois que c'est un des. Et sur. Mais ça, c'est EA Sports. Console Mania. C'est Electronic Arts. C'est ça, Toughman qui avait son. Ouais. Bah. Ouais. Monsieur Sapin l'avait pas fait, celui-là. Si, le boss de fin, c'est karaté, ça. C'est ça. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Oui, c'est ça. Je m'en rappelle. En tout cas, les Fight Night, même, car ils sont fabuleux. Quand tu vois en termes de roster, c'est dingue. Ouais, tu as quoi? T'as Ali, Tyson. Chez les poids lourds, Ali, Tyson, Foreman, Frazier, Holyfield, les frères Klitschko. Putain, si t'es fan de sport, Lennox Lewis, Sonny Liston, t'as des trucs de fou. Non mais hein. ils ont c'est voilà le premier sur PS. Et le pire, c'est le pire, tu te dis encore, ils auraient pu représenter que les poids lourds, mais non, t'as les poids moyens, les poids welter, c'est dingue. En termes de sensation de jeu, c'est fabuleux, les impacts des coups. Ouais, va falloir que j'essaie de me choper ça. Enfin, je devais cet été me choper ça sur Fight Night Champion et puis UFC 3 parce que j'avais envie. Bah en plus, il y a des épisodes sur PS3 et 360 qui sont bons, qui sont relativement bons et scénarisés en plus. T'as un scénario avec et tout. Moi, je me souvenais plus de ça. J'ai trouvé vraiment bon, quoi. C'est agréable à jouer. Et après, si t'aimes la boxe, ouais. Et moi, je suis pas très sport de combat en fait à la base, mais la boxe, j'ai toujours une affection particulière pour les jeux de boxe. Donc... Ouais. Voilà. Rocky, c'est bien si vous pouvez jouer. Comment dire, certes, la boxe, c'est un sport de combat, on est d'accord. Mais c'est un truc, comment dire, tu peux prendre un jeu de boxe et comprendre en deux secondes ce qu'il faut faire. Je veux dire, tu as pas des règles comme avec le MMA ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est très agréable à jouer. Du moins, ça dépend des jeux de boxe parce qu'effectivement, comme on l'a dit, il y en a. Effectivement. C'est des sacrés purges. Il y en a, tu pleures du sang, tu pleures de l'anus. Hein. Faut pas jouer. Hein. Mais Rocky, vous pouvez y aller. Rocky, c'est. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de la boxe, et j'ai refait à pas longtemps les Punch-Out, mais essayez de voir en fait les séquences entre les rounds où en fait le coach il te parle. Tu peux te dire, ouais, c'est des phrases scénarisées un peu au pif. Non, pas vraiment. J'ai eu à un moment donné en fait le coach qui te disait. Frappe comme le papillon et vole comme l'abeille. C'est Ali. Mais en fait, ils ont mis la phrase à l'envers, en fait. Du coup, ça m'a fait crever de rire. Et j'ai essayé. En fait, sur le coup, je me suis dit, ah putain, quel con. J'ai même pas fait une capture d'écran, quoi que ce soit. J'ai essayé de refaire ce match, genre 3 ou 4 fois. J'ai jamais eu cette phrase qui est revenue, en fait. Donc voilà, quoi. C'est... D'ailleurs, si vous aimez la boxe, hein, je peux que vous conseiller le When We Were Kings. Hein. Oui, mais je l'ai vu cette semaine. Le reportage de Ali quand il va combattre. Oui. Forme, ouais. Zahir, ouais, Conforme à Zahir, ouais, qui est exceptionnel. Hein. Après, je ah ouais, non, mais t'inquiète, on pourra en parler hors antenne pendant des heures. Qui me fascine. Je l'ai revu cette semaine. Bah, Ali, film, aussi, Ali ça, avec Will Smith, fascine, hein, c'est très très bon. Le film Ali avec Will Smith est très très très très bon. Oui, oui, effectivement. Voilà, c'est il y avait un film sympa, non, de boxe aussi, avec un acteur pas très connu, là, qui s'appelle Raging Bull, je crois. Ouais, Scorsese, je ne connais pas. C'est un inconnu, hein. Avec un type qui fait des films comiques, là, Robert De Niro. C'est un indépendant, je crois, c'est ça. Hein, c'est ça. Non, mais autrement, vous pouvez voir le dernier Stallone. Stallone, il a fait un film de boxe, hors Rocky. Non, peut-on se dire, voilà, qu'on s'adresse à des jeunes, voilà, qui n'ont si n'avaient pas vu Raging Bull. Ah, tu as aussi, t'as aussi un jeu de boxe qui est assez intéressant sur Virtual Boy, qui s'appelle Téléroboxer, en fait, qui est une sorte d'ersatz de Punch-Out, qui est avec des robots. Qui... Ah oui, c'est vrai. J'avais... Je l'ai, moi, en fait. Bah, donc... non, si vous aimez la boxe, c'est Arms. Hein. Oui, ah ouais. Ouais. J'ai pas cité le Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Oh là là, alors là, Million Dollar Baby, il m'a fallu un mois pour voir ce mec à la fin. Je l'ai vu, effectivement. On me spoilait la fin, moi. J'ai trouvé ça, oh, relativement... C'est épouvantable. J'ai trouvé ça relativement bien. Ah oui, c'est super bien, mais c'est le fait de pas forcer le pathos. Bah, c'est super. Après, non, mais moi, ce qui était génial, c'est que je connaissais pas la fin. Après, quelque part, je vous le propose, mais à l'occasion, faire un truc, un podcast sur les jeux de combat qui sont pas des jeux versus fighting, genre Street Fighter. Ah, on peut. Moi, c'est, ah, on peut moi, tout, c'est à, tout à fait. Moi, je suis d'accord. Raging Bull, ça a été une claque. Hein. Bah, il est super bien filmé, Raging Bull. Surtout quand vous savez à quel point je suis passionné par la boxe et les sports de combat, donc du coup... Ah, mais moi j'adore la boxe. On pourra même parler de Best of the Best sur Super NES. Oui, ouais. Oui, bien sûr. Le jeu où tu avais des couples à définir. Merde. Ouais, tu as quoi, ou de International Karate Plus et tout. Enfin, voilà, t'as Pit Fighter, arrête. Hein. J'ai découvert le jeu de combat avec ça. Street Fighter, oh mon dieu. C'était la première bande qu'on a eue avant que Street Fighter existe. J'ai voulu l'oublier, c'est vous en fait. Moi je l'aimais bien. Après, il y a eu Street Fighter et j'ai trouvé que c'était de la merde. Rapid Fighter. Taxi Driver. Oui, c'est un bon film de boxe. Ah non, je fais que coup. Vous avez entendu parler du dernier film de Scorsese, là, The Irishman? Non. Oui, sur Netflix. Alors, réalisateur. Attends, petit aparté. Réalisateur, Martin Scorsese, acteur. Ouais. Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, Joe Pesci. Oh merde. Et ça déboule, hein, ça déboule, hein, tu peux y aller, il y en a d'autres. C'est la dernière fois qu'on a vu Joe Pesci au cinéma. Oh, j'adore en plus lui. Hein. Joe Pesci au cinéma, ça fait des années qu'il tourne plus. Et là, il revient. Donc rien que pour ça, je veux regarder le film. Ah, ouais, ouais, ouais. Putain, mais justement, dans Raging Bull, il est extraordinaire. Et un truc. Okay. Voilà, bah, j'aime bien parce qu'on commence à parler de Rocky et on finit sur. Sur la boxe. Hein. Sur la boxe. Mais non, mais c'est vrai qu'au cinéma, la boxe. Toujours été bien rendu. Enfin, toujours. Ouais, c'est la plupart du temps. Pas nécessaire. Souvent dans les trucs très classe. En plus, tu pourrais parler de ton super héros préféré. Uwe Boll. Non. pas préféré, peut-être pas préféré, mais tu pourrais parler de Daredevil parce que c'est lié aussi. Oh là là, mais clairement. Oh là là, c'est fou. Allez, c'est parti, on repart pour 2 ans. Là. Alors, la boxe. Non, on parle de Jason Voorhees, hein, parce que. Matt Murdock. Bon voilà, j'ai fini pour mon jeu. Merci bien en tout cas de nous avoir encore parlé d'un jeu Sega. Tu sais très bien que j'adore la Master System. Hein. C'est une de mes consoles favorites. On est très Sega ici. Et sur le coup, voilà, on va vous quitter. C'est bientôt minuit. Merci de nous avoir suivis les enfants. Merci de nous avoir suivis, merci au chat d'avoir participé. Coucou aux gens YouTube. Non, je fais pas les blagues, je suis en vacances. Ouais. Juste avant de partir, un petit lien sur lequel moi tu ne vas pas cliquer pour ne pas le mettre parce que sinon tu vas être striké. Voilà une petite vidéo. Ça a 40 ans. Au mois de juillet, tant pis, on y était presque. Bon, bref, ça a 40 ans. On a fait découvrir Julius Price à Apple. On lui a fait découvrir James Hetfield il n'y a pas longtemps. Metallica, ouais. Ça s'appelle Highway to Hell. Ah, mais je connais ça. Ça a 40 ans. Mais moi, je connaissais James Hetfield. Voilà. Je connais. Bref, pourquoi il connaissait pas, sans déconner ? Je sais pas comment. Il nous envoie. Voilà, le ACDC a mis ça sur son compte officiel YouTube il y a 2 semaines. C'est une capture de l'époque, d'il y a 20 ans. Cet album a 20 ans. Voilà, c'est tout. 20 ans. 40. 40. 40 ans. 40 ans, madame. Ah, ça nous rajeunit pas. De sérieux. Mais là, là, non. Bah, autrement, je peux vous conseiller la version Highway to Tata Yo-Yo de Pascal, oui, de Pascal Vincent. Hein. Ah oui, non, mais ça, c'est génial. Ouais. Ça nous fera rire que nous deux, chou. Mais... on va s'arrêter là. Hein. Sur le coup, bonne des bisous, les enfants. Merci. Des bisous. Et à bientôt. Ouais.